Nous sommes, du coup aujourd'hui, le 17 à Verdé 1131, c'est-à-dire que 4 jours ont passé depuis le moment où on s'est quitté. Vous êtes en fait actuellement dans un pub de la basse ville, c'est-à-dire un endroit plutôt pas très bien entretenu, j'ai envie de dire. La raison de votre présence est, comme vous me l'avez indiqué, cette envie que vous avez eue de vous retirer, entre guillemets, de l'enquête pendant un moment pour faire baisser les soupçons, et y revenir après. Du coup, ce pub se trouve en fait assez loin des usines pour justement ne pas attirer l'attention, et en même temps assez proche pour pouvoir intervenir quand vous le voulez. Donc, ce soir-là, le 17, un Verdé 1131, vous avez passé la soirée à festoyer, tournant à l'absinthe pour certains. La bouteille coûtant quelques liges, ce n'est pas vraiment ce qui vous coûte le plus cher actuellement. Vous allez vous coucher dans vos couchettes. Les couchettes, c'est un placard qui a été aménagé par le barman. Vous dormez dans ce pub-là. Vous avez eu un accord avec le barman pour tout simplement qu'il vous couvre le temps que vous fassiez oublier. Et il vous fait dormir dans cette espèce de petit placard dans lequel il a juste installé quelques petits morceaux de tissu pour que vous puissiez dormir, pas directement sur le sol, mais clairement vous êtes loin du confort habituel pour certains. Bien évidemment, vous n'êtes pas retourné à vos foyers. Hein. Ils sont trop lointains et ça demande un certain trajet. Et bien entendu, les jours qui viennent de passer, vous ne l'avez pas juste passé à boire dans ce pub, vous avez passé à mener une enquête plus éloigné, à vous renseigner, par exemple, sur les habitudes de Kaino, ce genre de choses, puisque de ce que j'avais compris, arrêtez-moi si je me trompe, mais il était votre suspect principal, pour l'instant, sur la suite de l'enquête. Du coup, le foyer vous manque un peu, mais au moins, le fait de passer ce temps, encore une fois, vous a permis de mener cette enquête. Vous couchez donc dans cette très étroite salle. Et je vais commencer du coup par une question habituelle. J'aimerais demander à Victor comment il se sent. Pour l'instant, ça va. Un peu encore intrigué par ce qu'on a vécu là, avec cette petite. Enquête qui n'est pas encore terminée, mais pour l'instant, ça va. Je me sens plutôt bien, j'essaie de me relaxer un petit peu. Très bien. Vous vous couchez donc, et vous avez passé tout simplement une nuit de sommeil là-dedans, entassé dans cette petite porte. Vous levez le matin. Vous sortez et allez vous installer à une espèce de table de métal sur laquelle vous allez vous asseoir... le temps de vous réveiller chacun. Aujourd'hui, c'est le jour de reprendre votre enquête. Vous allez donc remercier le barman pour sa gentillesse qu'il vous a accordée. Et vous mettez du coup d'accord sur le plan que vous allez suivre. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un veut bien du coup résumer les éléments que vous avez en votre possession, excusez-moi, à l'heure actuelle, pour décider de la suite ? Sachant qu'il est peut-être probable que ça peut donner des bonus d'expérience, mais on n'est pas sûr. Bah, si personne prend, je prends. Allez, je laisse. Je dirais nada, on n'a rien du tout pour la suite de cette enquête, on s'est juste basé sur des suspicions totales sans aucune preuve. Mais s'il faut résumer le début de l'enquête, en tout cas, le cas sur lequel on avait été lancé est a priori d'un prêtre d'une variante du culte de la machine qui dit des trucs pas cool, surtout a priori par rapport à les crimes dont on ne veut pas que les gens creusent les crimes, enfin creusent ce qu'est les crimes, sinon c'est un peu plus compliqué. Et on est arrivé, on a vu, et il est... J'ai pas trop qui finit en U, mais on l'a eu. Ah merde. Et voilà, et on a juste décidé de continuer, parce que on se posait des questions quand même sur comment ça se fait qu'il y a une espèce d'immense machine qui a disparu d'un coup, la raison pourquoi il était aussi populaire, ce prêtre-là. Et on avait aussi, en tout cas moi, les autres peut-être un peu moins, des soupçons quand même par rapport à Kaino Innsmouth, qui était pour moi assez suspect, et je pense en rapport avec cette affaire-là et le fait qu'il était peut-être lui aussi dans cette branche du culte. Ça me semble pertinent. Et la propriétaire, elle veut partir à tout moment, elle sera sûrement partie au moment où on ira la revoir. Mais ça, du coup, quel est votre plan? Discutez entre vous, installez-vous. Bah, c'est-à-dire que ça va être quand même compliqué de retourner comme ça, comme si de rien. Parce que bon, maintenant, même si ça fait quelques... Non, je m'autorise, effectivement, oui, mais... j'ai oublié de l'indiquer. Le fait que vous avez passé 4 jours, par contre, vous le savez maintenant, il n'y a plus aucune suspicion. Ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, vous êtes reparti, vous n'êtes même pas revenu le lendemain. Votre enquête n'a duré qu'une journée. Quand on a fini, c'était la nuit qui tombait. Donc vous êtes vraiment venu qu'une fois, vous n'êtes pas revenu. Donc il y a vraiment, ça a l'air d'être très léger. Et en plus de ça, encore une fois, vous n'êtes pas gradé. Donc les gens ont juste vu des nouveaux venir, poser des questions, repartir. Ça fait 4 jours, ils se sont dit, bon, s'il y aurait eu un problème, on aurait eu des vrais métropolites qui sont venus. Comme vous n'avez absolument pas donné suite et vous avez fait oublier, justement, vous pouvez faire toute filature et toute installation sans paraître, effectivement, être sur les aguets. Donc effectivement, vous êtes là-dessus, tranquille. Oui, voilà. Après, quand je dis suspicion, c'est plus qu'on ne peut pas revenir comme ça devant les gens, comme si... voilà. Si on revient, qu'ils nous voient, on est grillé, quoi. C'est ce que je veux dire. Il faut qu'on fasse ça un peu dans le... En toute discrétion, quitte à peut-être passer par des intermédiaires pour récolter des informations. Il me semble que... de ton côté c'est Hugo, c'est ça? Non. Hugo, tu parles c'est... de qui? Esther, pardon, tu as potentiellement des ouvriers qui pourraient peut-être s'immiscer avec les ouvriers. J'ai dû envoyer au moins un ou deux d'entre eux peu après notre départ, se mêler à la foule, je verrai bien ce qu'ils nous diront. Après, forcément, en 4 jours, c'est compliqué de récupérer beaucoup d'informations, mais bon, on sait jamais. Mais après, de notre côté, je pense que... Je sais pas comment vous voyez le truc, mais ça va être un petit peu quand même compliqué de s'investir personnellement pour aller dans l'usine, quoi. Vu qu'on est tous vus. Tout à fait. Je dis aussi que vous n'êtes pas obligé de porter vos tenues officieusement. Officiellement, vous êtes censé représenter les métropolites, donc oui. Officieusement, ce ne sont que des tenues. Aussi. Quelqu'un a des postiches? Allô? Oui, allô? Esther, tu vas bien? Ah, elle ne va pas bien. Mais on l'entend pourtant, hein. C'est ça qui est vu. Ouais, c'est son audio. Mais je réfléchis à question. Je pense que la première personne qu'il faut qu'on aille voir, je pense que ce sera la propriétaire Benedacci, la nouvelle propriétaire, donc la fille du monsieur Ser Benedacci. Je me souviens plus si elle a exactement son même nom de famille ou pas, mais ouais. En tout cas, il faut qu'on aille la voir, elle, parce que si une grosse machine a disparu et que c'est du fait justement d'elle ou de la hiérarchie ou un truc comme ça, en tout cas, elle le sera. Mais on sait si c'est vraiment juste une erreur, le fait que les ouvriers soient pas au courant, un truc comme ça. Ça nous permettra d'y voir un peu plus clair, peut-être, en tout cas. Mmh. Même si elle a pas l'air d'en avoir grand-chose à faire, j'imagine qu'au moins elle a quelques papiers sur ça ou un truc comme ça. Non, enfin des papiers, quelques plaques sur ça. Tout à fait. Bah du coup, on commence par quoi alors? Esther, tu as déjà envoyé Des ouvriers sur place ou tu... En effet. Et on pourrait essayer d'aller les retrouver d'ici pas très longtemps. D'accord. Je sais où ils habitent, on a juste à aller venir leur poser quelques questions. Bah, dans un premier temps, on peut peut-être commencer par là, ça c'est quand même le plus simple. Et puis... Et bien entendu, sachant que les voyages dans notre bonne ville sont très longs, tu leur as sûrement donné un point de rendez-vous pour aujourd'hui, parce que c'était le jour qu'on avait prévu de faire l'enquête, n'est-ce pas? Eh bien, ça tombe bien que tu le dises, parce que... Exactement. Oui, nous habitons ici, de toute manière, nous le savons, nous sommes au courant. Non, mais de toute façon, dans tous les cas, si jamais je les envoie à l'usine, c'est qu'ils habitent pas trop loin non plus, quoi. Ouais. Ils vont pas être à 3 jours de marche. Alors, oui, 3 jours de marche, de toute façon, c'est la haute ville, hein. C'est étonnant si un ouvrier y habite. J'ai un petit loft là-haut. Oui, il y a deux possibilités, soit ils habitent un peu plus haut des usines, soit un peu plus bas, dans les vraiment pires quartiers auxquels vous n'avez pas encore eu mis les pieds. Du coup, effectivement, vous pouvez commencer à vous diriger vers là-bas. Esther, juste une petite question, comment s'appelle déjà ton contact qui se trouve à l'usine? Alors, il me semble que c'est Jacob. Jacob, merci. J'avais mal noté son prénom la dernière fois, je voulais dire. Voilà, merci. Donc effectivement, hein, en passant par Jacob, tu as envoyé quelques ouvriers, entre guillemets, espionnés. Clairement, hein, la gestion des entreprises, enfin des usines surtout, sont clairement un peu pas très très précises vis-à-vis de tous les employés, etc. On sait qu'il y a des gens qui travaillent, mais il y a tellement de gens et tellement de vies. En fait, on remarque les absences uniquement quand c'est une personne qui va causer problème au fonctionnement des rendements. Mais si, clairement, il y a moyen de remplacer, etc. Donc, Jacob s'est occupé de ça pendant ces 4 jours, d'emprunter 2 employés ailleurs pour en envoyer 2 à la Benedacci, etc. Soit de quoi ne soulever aucun soupçon et ne gêner aucunement la production de ton usine, qui reste quand même importante. Vous allez donc, du coup, vous y rendre. Vous sortez de ce pub et vous allez tout simplement redescendre. Vous pouvez y aller tout simplement à pied, puisqu'il n'y a... Vous n'êtes pas allé non plus, effectivement, à des jours de marche des usines, donc en prenant une petite heure devant vous, vous avez quoi y aller. Pendant que vous marchez, encore une fois, dans ces rues très étroites, ces endroits très surpeuplés, encore une fois, nous sommes dans la basse ville, on est dans les endroits où la vie grouille, où il y a des gens absolument partout, et pas forcément dans de très bons états, bien que encore une fois, vous n'êtes pas dans le plus bas de la ville, hein, ceux qui sont vraiment au niveau de l'écrime même, auquel je ne sais pas si quelqu'un y a déjà mis les pieds parmi vous, mais tout ce que vous avez entendu comme histoire venant là-bas, vous horripile, et horripilerait n'importe quel être humain, bien entendu, tant que ça a l'air d'être des conditions de vie très atroces. Dans tous les cas, vous descendez et j'aimerais en profiter du coup pour demander au deuxième joueur, Kornilov, c'est de l'aléatoire, comment il se sent, quels sont ses sentiments actuellement, comment ça va? Je me sens aujourd'hui travailleur, parce que je suis plus ou moins celui qui a changé la vie du groupe, vu qu'à la base il voulait quasiment tous mettre fin à l'enquête après qu'on ait fait l'objectif pour lequel on était là. Et donc, on va dire que je me suis mis, peut-être par moi-même, mais le poids sur les épaules d'être celui-là qui, du coup, va sortir un résultat quand même de cette affaire. Sinon, ce serait du temps perdu qu'on a pris. Donc voilà, j'ai la tête dans l'affaire et c'est tout. Ok. Très bien, vous continuez à descendre, du coup, pendant l'heure, vous vous occupez. Occupé en discutant, en rappelant les éléments que vous avez entre vous, etc., les personnes que vous avez croisées. Si jamais vous avez besoin de vous souvenir de noms de PNJ, vous avez le droit de me le demander, je vous les écrirai ci-dessous. Si jamais vous avez perdu quelques noms, je peux comprendre. Bref, vous descendez. Bien assez rapidement, du coup, vous allez arriver à l'usine de... où travaille, du moins... Esther, d'ailleurs, il faudrait trouver d'ailleurs un petit nom à cette usine. Mais dans tous les cas, voilà, vous rentrez dans cette usine et vous allez directement au niveau du bureau de Jacob. Ce dernier vous accueille et immédiatement à votre arrivée fait signe à quelques hommes qui étaient en bas, rentrant d'une pause, fumant la cigarette, de vous rejoindre. Très rapidement, ces hommes-là vous rejoignent. C'est deux hommes, deux femmes. pour le coup, 4 personnes ont été envoyées en tout. Et clairement, bon, les personnes du bas peuple, tout ça en bleu de travail, et qui se joignent à vous, et une des femmes, en vous arrivant, vous salue. Bonjour, c'est pour vous qu'on a travaillé, donc bien. Du coup, vous nous avez demandé de surveiller un peu l'usine Benedacci. Ça a été un peu compliqué, il faut avouer qu'on n'est pas habitué à travailler sur de l'armement, mais bon, on a fait notre mieux, et on, par rapport à toute cette disparition d'une machine, vous me dites si je me trompe. C'était bien ça, c'était bien par rapport à ça que nous avions envoyé. Par rapport au culte que nous soupçonnions d'avoir sur place. Bah, Esther, d'ailleurs, je vais en profiter. Vu que ce sont tes personnes, tu vas faire un jet global pour voir un peu comment ils s'en sont sortis. Tu vois que il y a l'homme qui sortant une cigarette de sa poche, ou montrant de la tête, voir si vous acceptez qu'il fume ici. Oui, oui. Ok, il s'allume la cigarette. Bon, moi, ce que j'ai su, c'est que... apparemment, par une soirée de beuverie, le supérieur de nuit n'est pas pour rien dans cette affaire. Il s'appelle Rolando Piani. Il aurait quelques contacts avec des gens de la haute. Alors, j'ai pas très bien compris qui, quoi, parce que bon, c'est pas trop mes habitudes de connaître ces gens-là. Je pense que vous êtes mieux placé pour moi pour savoir, mais en tout cas... Je serai vous, j'irai voir cet homme. Il a l'air de savoir des choses et d'être pas vraiment innocent, si vous voyez ce que je veux dire. Après, si vous avez besoin qu'on y retourne, contre un bon petit repas, ça me dérange pas. Retournez-y. Très bien. Seule chose, vous faites pas repérer et prévenez-moi au moindre souci. Très bien. Ou à la moindre information importante. Tu vois que bah, du coup il sourit, il continue à fumer. Les autres sont là. Moi j'ai pas entendu d'histoire particulière, mais moi j'ai plutôt surveillé le groupe que vous m'avez demandé, les religieux. Et faut avouer quand même que. Il parle bien quand même, hein, l'homme il donne envie. Mais bon, j'ai rien vu de particulier, clairement, en fait, c'est juste un prêcheur comme on en a partout. Enfin, j'ai pas vu de choses très particulières. Après, je ne sais pas ce que vous cherchez exactement dans leur. Vous savez, il fait tous ses discours sur la machine qui est en vie, dont nous sommes, on serait ceux qui leur influent la vie. Je trouve ça poétique, il me semble, vous dites ça dans la haute. Eh bien, si vous aimez autant les machines, vous allez pouvoir rester ici à l'usine et travailler comme vous le faisiez avant. Vous le faisiez très bien. Et, je crois que ces mots, son visage se ferme un peu et elle ouvre ses épaules. Bon. C'est pas tout, mais on a une enquête à terminer. Et là, je me retourne vers les autres. Vous avez des questions à leur poser, vous aussi ? Non, en vrai, c'est pas un hérétique, mais... Les trucs qui se racontent sur Kaino. Tu vois que c'est la deuxième fois qui parle. C'est moi qui dois surveiller Kaino, mais je dois vous avouer que c'est plutôt compliqué. Il a tendance à être beaucoup trop présent comme chien de garde, mais du coup, se laisse pas forcément approcher par tout le monde. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à le suivre. J'ai peut-être noté quelque chose. Esther, refais-moi un geste, s'il te plaît, avec les mêmes conditions. Ok. Exactement le même résultat. 5 et 3 plus 3, 11. Parfait. J'ai peut-être noté quelque chose, c'est que... c'est peut-être un hasard, je ne peux pas vous le dire, mais j'ai cru voir plusieurs fois que les sorties de Kaino correspondaient toujours... à 10-15 minutes après la sortie de la patronne. Je sais pas, c'est la seule chose que j'ai réussi à sortir, je suis désolé, je sais que c'est vraiment pas beaucoup. Mais il est vraiment pas si accessible que ça, il a tendance à se présenter comme quelqu'un d'assez frontal, mais du coup quand on n'est pas un adversaire, c'est pas vraiment quelqu'un d'aussi accessible que ça. Oui. Désolé. Cette information reste intéressante. Ouais, merci. C'est vrai. Après c'est peut-être qu'un hasard, hein. Peut-être qu'ils ont des horaires définis. Et... Ah, voilà, c'est juste ça me faisait rire au bout de 4 jours de remarquer toujours cette continuité, mais si ça vous fait plaisir, tant mieux. Hein. C'est à creuser, merci. Bah, ma foi, on a déjà quelques pistes et de quoi travailler avec ça. Clairement. Maintenant, pour essayer de les approcher sans trop éveiller les soupçons, l'idéal, oui, ce serait que on n'arbore pas nos uniformes de travail et que nous y allons d'une manière plus locale, on va dire. Écoutez, je sais pas qui se sent de faire l'approche. Personne. Bon, moi, s'il le faut, je peux tout à fait le faire. Donc j'ai un petit peu l'habitude. Moi, j'ai l'avis des autres là-dessus. Hugo, tu dis rien depuis le début. Bon, je sais, Hugo, que t'es pas très bien dans ce secteur de la ville. C'est pas ton endroit. Mais il faut bien qu'on fasse le boulot, et pour ça, il va falloir que tu l'acceptes. Ça me paraît être une bonne idée. En gros, voilà, là, on doit penser à faire une approche de Rolando Piani. De façon un peu... voilà, on va se faire passer pour quelqu'un d'autre pour essayer d'avoir des infos quelconques ou essayer un petit peu d'en savoir plus sur lui. Du coup, il faut que quelqu'un le fasse, de toute façon. Quelqu'un peut-être qui a l'habitude de ce secteur de la ville, qui a peut-être l'habitude de la vie que les gens vivent ici. Et du coup, voilà, on cherche quelqu'un. Je te demandais, du coup, est-ce que tu es intéressé ou pas? Ah non, non. Non. Qui est-ce qui fait plus de la hausse chez nous? Victor. Moi, je fais plus de la hausse? C'est... Même si tu n'aimes pas ça, il faut avouer que malheureusement, t'as beau essayer de cacher avec une casquette de Gavroche. Je sais, mais en même temps, je suis de la hausse. Mais je vis aussi beaucoup dans le bas-fond. Oui, c'est mais un peu mon truc, quoi. La différence avec quelqu'un qui vit vraiment dans les bas-fonds, malheureusement, c'est que toi, tu as le luxe d'être lavé. Ah oui. Bon, mis à part si tu me dis que maintenant, tu arrêtes de te laver. Non, après, je peux faire en sorte de... Enfin, voilà, c'est pas... Oui, c'est pas tu peux, mais par contre, effectivement... Les gens savent que tu n'es pas très prélo. La personne, je pense, par contre, l'inverse, qui peut peut-être le mieux s'infiltrer, pour ces raisons, qui est la personne en fait qui habite le plus bas dans la ville, hein, c'est Esther, hein, parce qu'elle a l'habitude de travailler dans les usines, etc. Donc, il y a un côté peut-être plus familier dans sa manière de comporter, dans sa manière, même si, effectivement, Victor, je le sais, tu passes du temps en bas et tu te sens mieux qu'en haut. Tu vois, il y a quand même les petits détails que eux sont habitués à voir. En effet, on élimine Victor parce qu'il fait trop riche. Mais son bras. Et son bras. Mon bras, en effet, ouais. Oui, pas bête, mais dans ce cas-là, je voterai plus pour Carnilo. D'accord. Bah, si c'est ce que vous voulez, j'irai. Ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Peut-être c'est silencieux toi aussi. Non, ça me... je pense que ça me va. Je peux me débrouiller. Parfait alors. Encore une fois, vous avez du coup traversé d'une usine à l'autre, comme je l'avais dit, un petit peu de trajet, mais ça va. Pendant ce trajet, je vais demander du coup pour en profiter à Esther, lui demander comment ça va, comment se sent-elle, quels sont ses sentiments, dis-moi tout, Esther. Eh bien, pour l'instant, ça va, j'ai l'impression que l'ancrer reprend petit à petit, on va voir. On est toujours un petit peu dans le flou, on n'a pas trop d'éléments, on va dire, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais... On désespère pas et j'espère que je fais confiance en Karnilov. À mon avis, il saura tirer les vers du nez de notre cible. Oui, voilà. Enfin bon, voilà, c'est. Il est efficace. Il sait se défendre, c'est le problème. Et il est pas du genre à faire le barbeau, ce qui pourrait trahir sa condition par rapport à notre ami Hugo, par exemple. Parfait. Merci de ta réponse. Vous avancez, vous arrivez au niveau de l'usine. Vous allez rester à l'extérieur, vous, pour ne pas attirer l'attention, en permettant du coup de Kornilov d'intervenir. Je considère que vous avez retenu, évidemment, vos uniformes, parce que même si les gens n'ont pas l'air d'y prêter énormément attention, vous dites que de toute façon, mieux vaut être sur ses gardes. Ouais. Kornilov, du coup, tu te rends à l'intérieur. Tu retournes dans ce grand hall qui fait face, du coup, à cette construction, comme je l'avais dit, la construction du culte avec cet énorme tas de ferraille qui forme une espèce d'autel. Du coup, comment tu t'y prends ? Comment tu recherches cette personne ? Dis-moi tout. C'est vrai qu'on n'a pas demandé de description physique du monsieur. Vous savez sa fonction ? Oui, c'est un quelque chose de nuit, de ce que je me souviens. Surveilleur de nuit. Surveilleur de nuit. Là, j'avais marqué surveillant. C'était presque. Ok, eh bien, si il est surveillant de nuit, parce que je vais dire surveillant ou surveilleur, il est de toute évidence pas là le jour, j'imagine. C'est pas bête. Bien dormir à un moment ou à un autre. Est-ce que tu pourrais m'expliquer l'enchaîné mathématique qui t'a permis d'arriver à cette conclusion? Alors, en sachant qu'un homme doit. Non. Non. Du coup, je pense, oui, que oui, ouais, je pense que déjà j'ai fait en sorte d'arriver à l'usine plus tard dans la journée. Très bien. Dans ce cas-là, je vais demander qu'avez-vous fait de la journée ? Est-ce que vous en avez profité pour en faire autre chose ou est-ce que vous appliquez le plan et vous intervenez ? Est-ce qu'il y a 2-3 outils dont tu voudrais qu'on fasse l'acquisition ? J'ai un petit peu d'argent de côté si jamais. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Des munitions. Un couteau à cacher dans ta botte. Non. Ah, un petit couteau, ça pourrait être utile, mais je pense pas que j'aurais besoin de le menacer. S'il a été repéré par tes employés, il doit pas être très discret. J'aurais bien essayé, si possible, d'essayer de contacter A-League. Ouais. Pour pour essayer de son côté, elle cherche des informations qui pourraient être utiles sur Keno. Tu es donc dans la journée, au moment où vous êtes en train de vous préparer à attendre du coup à tomber de la nuit pour aller voir cette personne. Elle allait voir tout simplement un messager, alors pas un crieur public, mais juste un messager, donc une personne à qui tu as donné ton message vocal, donc va t'occuper de Kaino s'il te plaît, sûrement mieux formulé que ça. Tu le mets, il te dit très bien, il te demande où est-ce qu'il doit la trouver, tu indiques plus ou moins le secteur des métropolites sans savoir forcément où elle est, et tu envoies tout simplement ce messager. En espérant que du coup il y aura un retour. Sachant qu'il te prévient, le message devrait arriver à bon port, n'ayant pas accès au tramway des personnes favorisées d'ici 2 jours. D'accord. On peut pas lui donner un accès favorisé, genre. Non ? Alors, malheureusement, non, il a trop peur de son accueil une fois qu'il sera au sommet sans vous pour expliquer pourquoi il est là-dedans. Ok. Legit. Okay. Du coup, il dit qu'il s'excuse, qu'il aimerait faire plus vite, mais malheureusement, la ville est quand même un sacré sentier à traverser. Mais en tout cas, qu'il ne perdra pas une seconde. Il vous demande une petite avance, et donc, du coup, va te demander 3 liges pour tout simplement une avance pour être sûr d'être payé à la fin, et qu'il ne travaille pas gratuitement. Sachant que les liges, tu n'en as pas, mais je suppose que quelqu'un du groupe sera très voilà, gentil. Voilà, moi, je me retourne vers Esther, je fais... Ça ouais, te dérange pas, payer. Esther non, c'est, pas pour c'est pour l'enquête. On nous remboursera tout à la fin, ne t'inquiète pas. 7 dossiers, non, et puis 3 liges, c'est bon. Alors, c'est 2, mais si tu fais un don d'un lige, il accepte. Hein. Pardon ? C'est 2 liges, pas 3, mais si c'est... Si tu fais un don d'un lige, il accepte très gentiment. Du coup, j'en donne 3. Et bah, tu es. J'ai déjà retiré le montant de ma feuille de personnage. Et que tu refuses de changer ça. Donc, de manière RP, je l'ai juste mal entendu, je l'ai juste trop payé. Et il a dû être en mode. Hein. Du coup, il s'en va et il part en faisant des signes. Vous inquiétez pas, promis, je ne fais aucune halte, ce genre de choses. Donc, il part. Kornilov, à la tombée de la nuit, tu vas rentrer dans l'usine, comme indiqué, pour du coup chercher cet homme. Mais avant la tombée de la nuit, il s'est passé un petit événement. Lorsque vous étiez tous les quatre, du coup, le groupe, en rang de traîner plus ou moins dans la base ville, en rang de réfléchir, « Tiens, Kornilov, est-ce que tu voudrais pas qu'on te chope peut-être un couteau, quelque chose du genre ?» Il y a une personne qui est venue vous voir. C'est une femme, une prostituée, qui est venue vous voir en mode « Ah !» Dites-moi, est-ce que pour une lige, vous voudriez pas que je vous aide à faire sortir toutes les tensions de votre corps et vous transmettre un message ? Vous êtes timide, n'hésitez pas à... Ça c'est que pour lui, hein. Ah, c'est adressé au groupe, là, pour ah, le coup. Ah, groupe, d'accord. Je pensais que c'était j'ai que pour... J'ai cru que c'était Kornilov aussi. Ouais, moi, je pensais que c'était que pour Kornilov. Ouais, non, mais si, tu pas aussi. C'est un flashback. Il a été amené assez rapidement, je le sais, mais en gros, c'était avant que Kornilov y aille, effectivement. D'accord. Excuse-moi. C'est pour le groupe entier, du coup. C'était avant que Kornilov se sépare de vous. C'était plutôt dans la journée. J'essaie de jouer avec le temps. Excusez-moi. Bon, à part, ça aurait pas été de refus, mais... Je pense que là, on n'a pas trop le temps pour ce genre de choses, mais une autre fois vous peut-être. Êtes vraiment sûr, parce que j'ai vraiment l'intention de. Ouais, tenez, une lige. De... Une lige. Ah. Merci bien. Voilà qu'elle prend la lige. Vous n'aurez pas une ruelle un peu plus isolée, bien entendu, pour parler. En remontant un peu la rue. Elle remonte la rue. Je regarde Kornilov avec un regard noir en mode « Qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai sur quoi, bordel. Du coup, elle commence à remonter la rue sans forcément regarder si vous la suivez. Du coup, qui la suit ? Est-ce que tout le groupe la suit ? Ou est-ce je la suis, mais je m'attends à insister à quelque chose d'assez écœurant. Donc, je me mets... C'est de dos à la ruelle en regardant droit devant moi en faisant mine de... voilà. Très bien. Vous la remontez. Elle marche un petit moment. Moi, j'ai un sourire. Minutes, quand même. Je parce que, encore une fois, les rues sont vraiment blindées, donc il faut vraiment marcher un peu. Là, par chance, une des petites ruelles qui est vraiment serrée pour le coup. Hein, genre, vous pouvez pas passer à deux côte à côte. Imaginez si on pose un supérieur. c'est super serré, effectivement. C'est pour le incroyable boulot si vous croisez quelqu'un. Esther, c'est pour le boulot, t'inquiète pas. C'est toujours pour le boulot. Vous rentrez dans cette ruelle, hein, du coup, à la queue leu-leu, à la ligne. Esther, visiblement, à la fin pour... Regardez. Et elle parle, du coup, un peu plus doucement. En fait. Bon. Je suis étonné de votre réaction. Normalement, les gens se doutent qu'il y a quelque chose de suspect quand quelqu'un propose une lige. Moi, j'entends pas. Du coup, je suis à l'entrée de la ruelle. Ok. Il y a une Benedacci qui vous donne rendez-vous à la rue du Pont Rouge avec la fleur des crimes en arrière, à la tombée de la nuit, là où le ciel sera le plus noir. Ah, A-t-il donné une raison particulière ou un... Je peux pas vous dire, m'a juste demandé de transmettre ce message. Vous avez été compliqué à retrouver, ça fait quand même quelques jours que je vous cherche. Ah, ça fait combien de temps qu'il vous a demandé de faire ça? 2 jours. Ok. Donc... Non, merci de l'info alors, j'imagine. Ouais. Allez-y cette nuit du coup, parce que votre commanditeur, je pense, ça fait plusieurs fois qu'il se déplace pour rien. Heureusement pour lui qu'on n'a pas refusé. De toute façon, j'aurais insisté, mais je vous avais l'air d'être plus habitué au dit. Vous savez que les prostituées ne coûtent pas une lige ici. Hein, ou... il faut y réfléchir un peu, mes amis. Enfin, maintenant que vous êtes là, vous pouvez faire. Ouais, non, mais... Ouais, non, mais... non, non, non. Ça non, suffit, on a du travail. Quoi? Mais attendez. Je suis en infiltration, je passe des messages, mais discrètement. Je ne suis pas réellement prostitué, désolé. Si vous avez des envies, il y a des filles qui coûtent à peine un sou. Oui, C'est évident, Victor, t'es pas censé passer du temps dans ce genre de quartier, normalement. Si, mais voilà, ouais. Écoute. C'est vrai que maintenant qu'elle dit, c'est une information plutôt évidente, mais c'est vrai que sur le coup, enfin, genre, vous étiez en pleine enquête, etc. Il est évident que vous n'allez pas faire gaffe au moindre détail de tout ce qu'on vous dit, mais bon, là pour le coup. Maintenant qu'elle dit, c'est vrai que tu fais ah bah oui, évident. Ouais. Sur ce, elle tourne les talons en mode bon bah, je vous fais confiance, hein, parce que bon, ma paye dépend de vous. Et puis elle s'en va. Au moment où elle passe à mon niveau, vu que moi j'étais resté vers l'entrée de la ruelle, je la regarde super mal. Tu vois, genre, elle te rend un peu le regard, mais plus, tu sais, un peu... Débité, ouais. Qu'est-ce qu'il a, celui-là, ce genre ? Bon. elle remonte la ruelle, se retournant des fois si tu maintiens le regard ou pas. Non, non, peut-être pas non plus, je vais pas la suivre du regard, surtout son trajet. Bon, ben, bah, mes amis, du coup... En tout cas. Qu'est-ce qu'on fait ? Si tu veux continuer. Bon, okay. Bah du coup, voilà, c'était justement, c'est pour ça que je l'ai fait en flashback, c'est parce que maintenant que cette scène est faite, retournons à Kornilov qui, à la tombée de la nuit, donc ça veut dire pas au moment où la nuit est la plus noire, mais vous savez que vous avez rendez-vous après, Kornilov qui rentre dans cette usine. Kornilov, du coup, la question que j'ai posée en plein jour revient, comment fais-tu pour retrouver cet homme ? Eh bien, je fais appel à mon savoir, parce que j'habite dans cet univers, et je le sais. Pour ce genre d'usine, de ce genre de taille, il y a plusieurs surveillants de nuit, il n'y en a qu'un seul, il y en a... Eh bah, tu vas me faire un test en Urba Technologie. Super, je m'y connais beaucoup, attends, non. Bah oui, toi qui es traversier, qui a vécu toute ta vie dans les traverses. Je connais. Mais peut-être que Kornilov m'a posé la question avant de venir. Je considère que oui, je te donne un bonus de plus 1. Parce que je sais que t'es meilleur de toute façon en urba qu'en traverse. Vas-y, dis-moi. 4. Ça fait 4 en tout, avec toutes les additions ? Ouais. Ah oui. Alors là, tu te dis, ah, comment marche une usine ? Vu la taille de l'usine, il y a personne. C'est vrai, finalement, traversier que tu es, t'as passé quand même la majorité de ta vie sur les traverses. Mais alors là, pour le coup, c'est vrai que comment fonctionnent les tournements dans les usines, tout ça, tu n'en sais rien. Là... Pour toi, c'est un monde. Enfin, quand t'es arrivé en ville, t'as pas travaillé à l'usine non plus, quoi. Donc, tu es dans. Et malgré le fait que t'as demandé à notre ami Esther, ça, t'as pas vraiment compris où elle voulait en venir. Et du coup, okay. Ouais, bon, c'est pas grave, il y a quand même quelques personnes présentes. Là, tu peux poser des questions à des gens ou tu peux tout simplement essayer de t'orienter vers un endroit qui te semblerait logique. Enfin bref, que fais-tu du coup face au fait que tu ne connaisses pas l'usine ? Tu peux. Ok, donc c'est la tombée de la nuit. Ça va sûrement juste commencer son tour de garde. Donc je vais aller dans les vestiaires, là où ils prennent leurs affaires et tout ça, pour commencer à bosser. Ok. Je pense que ça t'avances, tu sais pas où il y a des vestiaires ou du moins des salles pour se changer, et tu demandes à quelqu'un, parce que bon, t'as le droit de demander une information en mode c'est où pour changer, mettre le bleu de travail, et tu vois qu'il t'a dit qu'une toute petite salle, hein, encore une fois, genre de la même taille finalement dans la salle où vous avez dormi à 4 les uns sur les autres, c'est le même genre de toute petite salle, et du coup tu t'y rends. T'ouvres l'énorme porte métallique qui se tire, celle-là. Et dedans, t'as une minuscule salle, en fait, où il y a la place pour une personne, en gros, se changer de manière assez agréable, 3-4 si tu tasques un peu comme vous avez dormi. Mais voilà, c'est pas un grand truc, c'est pas des vestiaires comme on l'entendrait en dehors du monde de l'écrime avec des grands trucs. Et il n'y a personne. Sinon, je l'aurais. Ok. Est-ce qu'il y a déjà des affaires qui sont pendues au mur, un truc comme ça ? Genre, je peux en voler un et me faire passer pour un ouvrier. Ah, alors c'est intéressant. Je te dis ça immédiatement. Il y a effectivement un bleu de travail. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui semble être visuellement un peu à ta taille. Ok, bah je vais faire ça. Ok, tu fermes la porte, tu retires tes vêtements, tu mets ton bleu de travail. Tu es là pour te faire passer pour un ouvrier. Tu réouvres. Et donc, tu es officiellement fait pour travailler. Très bien. Et eh bien, du coup, je vais me remettre en route à travers l'usine, parce que, bah, sous évidence, il n'était pas là quand je me suis changé. Et donc, bah, je vais marcher à la recherche de quelqu'un, tout simplement, qui a l'air de faire des tours pour surveiller. Tu marches. Tu vois que, quand tu marches dans l'usine, de temps en temps, il y a un mec qui t'interpelle en mode « Hey, toi, viens plutôt m'aider à faire ça !» Et je sais pas si tu as la gentillesse de les aider quand on t'interpelle, ou si tu continues ta route l'ignorant. Il y a toujours encore des gens qui sont en train de travailler, ça travaille de nuit aussi les usines ici. Oui, pas mal d'usines, ça par contre tu le sais, ont tendance à travailler de jour et de nuit mais avec des équipes différentes. Merde. J'avais pas imaginé ça. Mais moi comme un con je mets un bleu de travail, ils vont me prendre pour un vrai ouvrier et pas un surveillant, il doit avoir un uniforme différent. Bah en tout cas, est-ce que, pour l'instant répondre juste à cette question, est-ce que tu aides quand t'appelles en mode ah tiens viens aider à visser ce truc, ou est-ce que tu continues à traverser l'ignorant? Ouais, je le fais pas, mais genre, des moments, j'en fais des signes de main en mode j'ai pas le temps ou je dois faire un truc comme ça, tu vois. Tu vois que quand tu refuses, c'est ah, toujours pareil, hein. Et il continue, on prend pas forcément la tête. T'as pas changé. S'il pouvait répondre. Enfin, ouais. Et c'est très gentil de vous en occuper à ma place, que du coup, ça m'évite de. Du coup, tu avances, etc., et tu fais gaffe un peu aux gens que tu croises. Effectivement, un homme a l'air de faire comme toi, c'est-à-dire juste de marcher en bleu de travail. Il est chauve, plutôt gros, un visage assez rond. C'est ce que tu vois, c'est que par contre, à lui, on ne lui demande pas d'aider, et il passe comme ça. Tu l'as croisé déjà une fois. Qu'est-ce qui me différencie de lui ? En termes d'uniforme, enfin genre il a quelque chose de spécial qui fait qu'on... Absolument rien par contre. L'uniforme est le même, c'est un bleu de travail. C'est visiblement ouais. Eh bien, je vais me mettre à marcher à côté de lui, de manière naturelle. Mm-hmm. Genre juste à le moment où il lance un petit regard vers moi en mode qu'est-ce qu'il fout là. Et je vais lui simplement tendre la main vers lui, je vais faire salut, vous êtes Piani ? Tu vois, qui s'arrête de marcher, te dit visage. Rolando, Piani, c'est mon nom de famille, il n'y a que les patrons qui m'appellent comme ça. Ah, désolé, c'est comme ça qu'on m'a présenté à vous, mais bref. J'ai été engagé récemment justement pour servir un peu de surveillant de nuit comme vous. Ouais. On m'a dit de passer au moins quelques nuits à bosser très près de vous pour apprendre comment ça se passe, quoi. Ouais. Donc voilà, on m'a dit du coup bah, passer la nuit avec vous, donc je vais marcher avec vous. Ça vous dérange pas ? Alors, c'est très simple. Tu marches, tu vérifies qu'il y a personne qui branle rien. Et s'il y a quelqu'un qui branle rien, tu le menaces. Pas physiquement, je ne te connais pas, j'espère que tu n'es pas. Ne serait-ce mais vu ton âge, je pense que. Tu n'es pas très combat. Non. Tu les menaces de dénoncer un supérieur. Enfin, les menaces avec la bosse ne marchent plus trop parce que ça se voit bien. Ça, tu répètes pas. Hein. Ouais. Ça se voit bien quand même que bon, elle s'en fiche de nous. Mais au moins, elle ne nous martyrise pas. Elle fait juste tourner ça sort du père. Mais enfin bref, du coup, la menace avec la boss ne marche plus, mais tu prends n'importe quel autre supérieur, on a dû te présenter l'équipe de toute façon. Et bah, une fois que t'as fait ça, ils se remettent à travailler, puis voilà. Et puis ils se mettent pas à travailler, bah tu dénonces vraiment. C'est ça le métier. Ok. Tu vas voir, c'est passionnant. Ouais, j'imagine. Ouais. Et tu vois qu'il reprend la marche, les mains dans le dos. Très bien. Là, je vais le suivre un peu. Tout ça. Tu le suis. Je vais laisser passer un certain moment pour rediscuter plus tard. Mais voilà, tu laisses un certain moment. Faites le tour de l'usine, vous passez aux étages, vous passez au rez-de-chaussée, etc. Et au bout d'un moment, tu remarques l'endroit où il manque effectivement la machine. Il y a cet emplacement hein, qui est vide au milieu de plein d'autres. Hein. Ça peut être l'occasion, si tu en as envie, de lancer la conversation. C'est exactement ce que j'attendais. Tout simplement, je vais juste genre, bouger un peu ma main dans le sens du trou que laisse la machine absente. Je vais dire, oula, il manque pas un truc là dans le coin. Ouais. Une disparition. Une disparition? Ouais, juste ça a disparu. D'accord. Bah, j'imagine que c'est pas arrivé de nuit, alors sous ta surveillance, il faut bien une bonne centaine de gars, voire plus, pour déplacer tout ça. Ouais. Ça serait vraiment malvenu que ça soit tombé de nuit. Ouais. Mm-hmm. D'accord. Tu vois, qui dévisage un peu, vu que t'as lancé le sujet. Un peu discrètement, voir si t'essaies de cacher quelque chose ou pas. Bah, du coup, je regarde juste vers l'intérieur. Quand je vois qu'il me gèle, je regarde juste dans la direction du trou. Genre, comme si c'est, j'étais vraiment juste intrigué par le grand trou dans l'usine. Je lui vois du coin de l'œil juste hausser les épaules et pousser un soupir et il recommence à marcher. Ok. Mmh. Ouais, je vais forcer. C'est quoi, je vais forcer? Ah, ok. je vais faire. Et du coup. Genre, si c'est toi qui devais déplacer une machine comme ça, parce qu'il faut de la discrétion et tout, si tu le faisais, il faudrait, genre, combien de gars il faudrait se débrouiller comment pour faire ce genre de truc? C'est quand même impressionnant comme machinerie. Oui, c'est. Oh, déjà, elle était pas si grosse que ça, c'est pas une des plus grosses. Et c'est pas si difficile, je veux dire, on a l'impression que c'est. Ça a été facile à déplacer. Je sais pas, genre, je te regarde pas dans les yeux, tu sais, en disant ça, genre, je fais des choses de manière, c'est ordinaire, tu vois. Il pousse un soupir, ouais, je suppose, ouais, ça doit être assez facile une fois que c'est bien organisé. Mm-hmm. Pourquoi ça t'intéresse autant? Ah, bah, je sais pas, j'ai bossé dans 2-3 usines par le passé, et ça, j'ai jamais vu une machine aussi grosse disparaître, c'est tout. Normalement, les ouvriers, ils volent quelques boulons ou je sais pas quoi, mais pas des trucs comme ça. Ouais. C'est, y a pas que les ouvriers qui aiment des fois voler. Ah bon? Quel genre de gars? Bah, c'est la concurrence. T'as envie de faire couler une entreprise, t'essaies de lui faire du mal, sorte de choses. Ah ouais. Des coups de crasse. Genre, t'as jamais été mêlé à une histoire comme ça. Pas d'aussi grosse ampleur que ça, en tout cas. Mais... ouais, j'avoue que là, ils ont tapé fort. Ouais. Et j'imagine que pour les gars qui ont fait ça pour eux, ça a dû payer fort, non? Ouais, je suppose, ouais. Ah, putain. Qu'est-ce que je donnerais pas pour être au courant de ce genre de truc, parce que j'en aurais bien besoin à la maison, moi, d'un peu d'argent. Enfin, entre nous, juste histoire de parler. Ouais. Tu sais, je pense que tu resterais d'être déçu hein, de la finalité de tout ça. Ah bah, comment ça peut mal se finir? S'il y a du pognon dans la poche, ça se finit bien. On sait jamais ce qui peut arriver. Tu sais, des fois, t'as des mecs comme ça qui sont prêts à faire un marché, vous organiser, et la machine disparaît 2 jours trop tôt. Fin... Et personne ne sait pourquoi. Ah, et du coup, vous êtes pas payé? Oh, pff... non. Ah, ça a dû être dur quand même. Ouais, pour le mec qui a organisé ça, ouais. Ça a dû être dur. Hein. Ouais. J'imagine que le gars qui a organisé ça, vu qu'il a eu, il a pas eu l'argent qu'il voulait, il serait prêt à prendre de l'argent d'un peu n'importe qui si on voudrait le faire parler. Ouais, c'est vrai que manger, ça fait du bien de temps en temps, autre chose. Je le regarde un peu plus dans les yeux de temps en temps quand je dis cette phrase, tu vois, histoire de voir s'il n'y a pas un micro-message, pas forcément pour qu'il passe. Ah, c'est là, effectivement, tu vois qu'il a réagi un peu plus positivement qu'aux autres. Du coup, il s'arrêtait de marcher, il se tourne vers toi. Ouais, on aime tous manger, n'est-ce pas? Ouais. Bon, t'as l'air au courant de pas mal de choses, tu bosses pour qui? On va dire que... à mon propre compte, on va dire, de manière officielle. Mais t'inquiète pas, je suis aussi payé à mon propre compte et je tapote un peu ma poche pour que ça fasse un peu le c'est avec les pièces. Ah, t'es le genre de personne qui arrive à se travailler avec de la monnaie. Ah, là. Mais ok, tu travailles pas pour qui que ce soit. Tu fais vraiment... Ah non, personne. Okay. Moi, c'est moi, je cherche juste à tirer mon épingle du jeu, c'est tout. T'as aucun lien. Et je veux que tu le promettes, mec. Parce que sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Avec Ville Valente. Avec qui? Ville Valente. Alors, je peux te dire que ça me dit absolument rien. Bien. Bon, allez. Combien t'es prêt à mettre à la patte? On va dire que si je vais dans les 20 liges, est-ce que ça t'intéresse? 20 liges? Ouais. Et tu dis mais tu payes en liges? Mais je paye en liges. C'est un salaire de technicien. Je te paye en liges, je veux qu'avec ce que t'as à me dire, je veux que tu racontes tout. T'as vraiment 20 liges sur toi? T'as un salaire de technicien sur toi là? Ouais. Oh, je tapote un peu sur ma poche. Je veux les voir. Je suis désolé, mais encore, tu m'aurais parlé d'Url ou quoi que ce soit, ok, mais 20 liges. Je veux les voir. Bon, attends, on va marcher au moins dans un coin et un peu moins gars que regarde alors. Je suis pas non plus fou. Vous allez dans un coin un petit peu tranquille. Et tu vois, genre, il t'emmène dans un petit coin où il y a une petite table qui a été installée avec des petits morceaux de fer. En fait, c'est une table de fortune. Hein. C'est là qu'on prend la pause quand elle est pas très légale, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je t'ai pas souvent vu ici, ça fait combien de temps que tu bosses ici? Aujourd'hui. Oh, et tu baignes déjà dans ce genre de truc? Putain, t'es fort. Ah bah, j'ai l'âge qu'il faut aussi pour être habitué. Hein. Ah, c'est vrai. Bon alors, dis-moi. Montre-les-moi. Donc je sors 20 liges. En faisant en sorte de pas en sortir plus que ça de ma poche, tu vois, pour éviter qu'ils se disent « Putain, il y en a trop ». Faut que je tabasse à la sortie de l'usine. Tu vois que genre quand tu les sors, il a son regard qui s'écarquille. Enfin genre c'est ça, il a des étoiles dans les yeux quoi. C'est pour le coup, tu vois, il devient un gosse limite à sauter sur place. J'y crois pas. Oh. Ok. Tu veux savoir la vérité? J'ai été. J'allais dire pas un mot, mais vu combien tu payes, je pense que je peux te faire confiance. Ouais. Oh mon dieu, oh, je vais tellement pouvoir manger avec ça, oh là là, mais je vais même prendre ma retraite, c'est ouf. Bon, enfin c'est fou, hein, parce que ouf, ça veut rien dire. Bon, la réalité c'est que j'ai été contacté justement par Ville Valente, c'est un maître de loge qui travaille avec un autre homme qui m'a pas donné son nom, mais c'est un homme des concernes. En gros, cette usine les embête pas mal parce que pour la conserne c'est pas bon parce que du coup ils sont pas les seuls à avoir le, comment on appelle ça, tu sais, quand t'es le seul à travailler dans un domaine monopole. Un monopole, ouais, un monopole ou une hégémonie, ça dépend de ton niveau en langue. Tu sors d'où? T'as pas fait que l'usine, mon gars. Quand on te rend dans ce genre d'affaires, on parle avec des gens assez bien, assez haut placés. Mais tu... en fait, t'es un maître de guilde, c'est ça? Avoue-le. Non, mais si tu veux, si on reste en contact, je t'apprendrai un peu avec l'expérience que j'ai. Tu pourras avoir plus que juste une retraite. Hein. Ok, j'ai touché le gros. Ouais, du coup, ouais, ils sont pas contents parce que cette entreprise, enfin cette usine, est la seule à produire de l'armement en dehors des concernes de l'armée qui fournit Venise. Et donc, du coup, ils aimeraient bien la saboter. Pour ce faire, ils se sont dit que retirer une machine pourrait poser quelques premiers problèmes pour affaiblir l'usine. Du coup, voilà, j'ai été contacté et ils savaient que je suis quelqu'un qui a bien mangé. Par conséquent, je suis facilement achetable avec un bon repas. Voilà, il faut être honnête. Je veux dire, t'aurais fait pareil. Je veux dire, quand tu manges que de la mousse, quand d'un seul coup quelqu'un te tend de la vraie viande, je veux dire, pas du rat crevé, je te parle d'une vraie viande. Bah ouais, ça fait du bien. Et ouais, je dois avouer que la nourriture, c'est mon petit péché mignon. Ah, si tu savais tout ce que j'ai fait pour manger à ma faim. Enfin bref, là n'est pas le sujet. En fait, ils m'ont contacté, on avait mis en place un plan pour tout simplement voler une machine et la jeter à l'écrime, comme ça, plus de preuves, etc. Tout devait bien se passer. Sauf que deux nuits avant cette histoire, avant la date prévue, la machine a réellement disparu. Elle a disparu alors que de nuit, certes, il y a moins de gens, mais il y a quand même des gens qui travaillent. Personne ne l'a vu. Vraiment, je vois, il y a, je pense, une heure ou deux où il n'y a personne dans l'usine qui est le moment où le soleil se lève, mais personne ne sait comment ça peut arriver, même pas moi. Et eux croient que je les ai dévancés, alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, honnêtement, et je pensais qu'ils m'avaient dévancé, mais ils ont l'air vraiment d'être très énervés sur le fait de ne pas être à l'origine de ça. Donc j'ai l'impression finalement c'est pas eux non plus, mais je sais pas, enfin ça me paraît que, c'est quand même très bizarre. Je sais pas s'ils jouent avec moi un double jeu en mode en fait genre d'être énervé, mais je sais pas, la machine a disparu deux jours avant et on se retrouve comme des cons. Ouais, je le dis. Ouais. Et parmi les gars qui étaient dans le coup aussi avec toi, parce qu'ils étaient forcément pas tout seuls, il faut plus de gars quand même à l'intérieur, j'imagine. Il y a aucun d'entre vous qui a l'air d'avoir doublé les autres. Tout le monde a l'air surpris. Il n'y a pas un qui a disparu le jour. Les mecs qui bossent, c'est pas des mecs de l'usine. C'était eux qui les avaient fournis. Et ces mecs-là, moi je peux pas te le dire. Ouais. C'est eux qui les connaissent. Moi je les ai jamais revus. À vrai dire, je les ai jamais même vus à la base. Le seul moment où je l'ai vu, c'est quand ils m'ont confronté à eux pour voir qui mentait entre eux et moi. Ils ont tendance à plus les croire eux que moi. Alors que putain, je te jure que j'ai rien fait parce que je déplace pas une machine tout seul quoi. Enfin. Ouais. Bah, je sais pas. Mais tu vois que pendant qu'il commence à allonger ses mots pour réfléchir, mais il commence à prendre les pièces, les liches que tu viens de poser, ces pièces de cuivre et à les glisser. Mais du coup. Si tu veux vraiment avoir le fin mot, il va falloir que tu retrouves et ceux qui ont participé et les maîtres de loge et de concierge. Et ça, c'est la haute ville. Hein. Je sais pas si tu peux rentrer là-dedans, mais moi, j'y vais pas. Hein. C'est eux qui viennent me chercher, pas l'inverse. T'as pas quelques noms de plus, quelque chose à me donner? Parce que je m'en ai donné qu'un pour l'instant. Je t'ai dit, le maître de loge est vachement pote avec un homme des concernes. C'est d'ailleurs très surprenant. Je pense que tu peux facilement remonter. Tu sais que les loges, les concernes, ça s'aime pas beaucoup. Enfin, de toute façon, personne ne s'aime dans la haute. Hein. Les mecs ont vraiment que ça à se foutre sur la gueule. Mais tu vois, tu pourras trouver les deux traînent souvent ensemble et publiquement, visiblement. Donc, ils ont pas l'air d'avoir de problème d'afficher leur amitié. Ok. Il aurait fallu combien de temps? Si ton plan s'était bien passé pour déplacer cette machine, on aurait été pile dans les temps, 1h30, 1h45, elle aurait disparu juste avant que les gens reviennent. C'était serré, mais on n'avait que ça. D'ailleurs, on travaillait un peu en avance, j'avais commencé à dévisser discrètement quand personne ne regardait, mais enfin, je veux dire, c'était un travail de fourmis, non les fourmis n'existent pas, un petit travail comparé à la totalité de ce qu'il y avait à faire. Mon avancement a fait gagner une minute quoi, mais clairement c'était très serré, c'est pour ça qu'on comprend pas, enfin genre je sais pas, c'est super étonnant. Et il y avait personne du coin, mis à part toi, qui était dans cette affaire? Personne qui était dans l'usine? Parce que j'imagine que tu t'es rendu compte que cette affaire a bien servi, par exemple, un certain gars à l'intérieur à faire passer ce qu'il racontait. Ouais, ouais, mais non, le prêtre était déjà là avant, il a juste effectivement gagné beaucoup auprès des nôtres. C'est là, ici, il est vraiment respecté. Hein. Bon, maintenant, ouais, personne ose remettre en doute la personne qu'il est. Il est considéré comme un vieux sage. Après tout, il a l'air même plus vieux que vous, donc... Enfin, je dis pas ça pour être insultant, hein. Ouais, non, mais on se comprend, t'inquiète. Ouais. Mais voilà, Il était au courant, lui, que c'était... Alors, moi, il a jamais fait partie du plan un instant. Et après que le plan... L'inverse, on a galéré à essayer de faire en sorte de... qu'il déplace son hôtel, parce qu'à la base, son hôtel se trouvait justement dans le coin plus proche d'ici, de la machine, que de l'entrée. On a galéré à le faire rentrer. Maintenant, on a sa gueule dès qu'on rentre, mais au moins, le champ était libre... Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu branlant, enfin bref. Okay. Je sais pas, il faisait pas partie du plan en tout cas. Ok. Et tu lui en as pas parlé après coup en voyant que ses prêches racontaient du coup des conneries sur ce point-là? Et imagine, Puis il raconte peut-être pas des conneries, je veux dire, la machine a disparu 2 jours avant, si ça se trouve, elle a vraiment pris vie. Ah ouais, ouais, c'est vrai, désolé, je suis un peu... Ah, tu dois croire. Ah non, mais j'y crois. Hein, moi, une autre divinité. D'accord. Tu dois peut-être croire une autre divinité. Je veux dire, il y a plein de gens. Ah non, non, oui. Ça, je suis là-dedans, t'inquiète. Hein. Je veux dire, j'ai passé ma vie à l'usine, hein, comme je t'ai dit. Donc. Ouais. Ouais, je sais pas. Hein. Moi, je suis tombé sur un jeune. Hein. Ouais. Il croyait la dame des airs, là. Je sais plus trop quoi. Tu sais, ceux qui font de l'aviation. J'étais en mode, mais mec, tu travailles dans l'usine. Qu'est-ce que. J'ai même pas idée de quoi ça peut. De qu'est-ce que ça veut dire, de toute façon, comme truc, alors. Ouais, c'est n'importe quoi. Non, bref. Ouais, justement, t'as en même temps. bah, j'imagine que c'est la fin de l'histoire. Ouais, c'est la fin de l'histoire, ouais. Et il dit ça en prenant les dernières pièces de lige que t'as laissées sur la table. Ok, très bien. Tu sais, vu ce que tu m'as payé, si jamais un jour t'as besoin d'une aide physique, je mange beaucoup, mais c'est pas que pour de la graisse, tu vois ce que je veux dire. Ah bah oui, de toute évidence. Ouais, on reste en contact. T'inquiète. Il y aura plus qui tombera si tu restes du bon côté. Il n'y a pas de souci. Ouais, et je lui sers la main de manière sympathique, genre vraiment. Il te sert la main. Il réagit positivement au fait que tu le fais de façon sympathique. Il commence à aller en mode bon, faut continuer les tours là parce que ils vont commencer à remarquer. Tu peux rester assis si tu veux. Mais rejoins-moi juste dans pas trop longtemps. Ça roule. Bon, je vais rester honnête avec toi. Il se peut que je disparaisse dans la nuit, les informations doivent circuler rapidement. Ah, je vois. Je travaille pour quelqu'un. Non, guide, hein. Mais je suis sûr que tu fais partie du non, groupe. Non, mais j'ai des gars tu qui me diras la vérité. Mais bref, ouais. À la prochaine fois, on en discutera. Ouais. Et du coup, il va marcher. Ce qui va te permettre, comme tu veux, effectivement, de pouvoir partir de l'autre côté. Et pour... j'espère. Je suis désolé pour l'autre groupe, j'avais pas forcément de lien pour vous relier. Faire de l'alterner. Du coup, ça c'est un peu attardé sur cette personne. Mais Cornilov vous rejoint du coup et va vous réexpliquer. Bon, vu l'heure, en fait, je considère que vous êtes au courant. Ouais, explication, roleplay. Ils étaient pas au rendez-vous entre temps. Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'on n'est pas allé voir l'autre? Alors là, pour le coup, je préfère comme ça qu'il y a tout le monde, comme ça, on joue tous. Okay. Puis bon, comme ça au moins on est sûr que la formation tombe pour tout le monde. Ouais. De toute façon, quoi qu'il arrive, je revenais à vous, donc autant que Cornilov soit là, comme ça s'il veut, il peut jouer. Buvez un coup en attendant qu'il arrive. Oui, voilà, vous buvez un coup, vous êtes assis en regardant les crimes, le soleil qui se couche, faire ah là là, c'est beau. Il n'arrive rien de mal. Du coup, voilà, il vous met en commun et vous mettez en route vers la fameuse rue dans laquelle vous avez donné rendez-vous. Donc, c'est la rue du Pont Rouge, parce que tout simplement, vous savez que comme je vous avais expliqué, ils ne savent pas lire les gens. Donc, c'est des dessins qui sont généralement gravés sur des plaques, rouges parce que c'est du sang qu'on mélange pour obtenir une pâte. Donc, c'est la rue des ponts, donc celle où sur toutes les maisons il y a un pont, avec une fleur des crimes à l'arrière de ce pont qui est dessinée. Donc, voilà, vous cherchez cette rue-là et vous la trouvez plutôt rapidement. Enfin, plutôt rapidement, il faut quand même une à deux heures de marche, mais ça commence à devenir habituel comme distance et heure de marche. Et vous la trouvez, et donc du coup, effectivement, c'est une rue, vous comprenez pourquoi la Réunion, parce que c'est une rue qui, encore une fois, en plein milieu de ces rues qui sont vraiment surpeuplées, il y a vraiment beaucoup de monde, encore une fois, hein, je le répète, mais vous ne pouvez pas... tout simplement marcher 2 cm sans cogner sur quelqu'un. Enfin, c'est vraiment très très la base ville, encore une fois, très très peuplée, très très les uns sur les autres. Il n'y a pas de véhicule en plus, parce que les rues de Venise sont très très étroites, et quand elles sont pas étroites, elles sont fragiles parce qu'elles tiennent sur des ponts, sur des trucs comme ça. Soit vous êtes passé juste avant du coup d'arriver à ce lieu-là, j'aimerais demander à Hugo comment il se sent. Alors Hugo, il est un peu pâle. Globalement, physiquement. Un peu blanc, même. Vide, en fait. Quasiment à la limite. Un peu plus, et il serait carrément translucide, quoi. On pourrait voir à travers. Depuis tout à l'heure, il s'exprime pas beaucoup. Depuis ces quelques jours, il est vraiment très, très, très, très, très renfermé sur lui. Et en fait, tout s'est suffoqué. On sent qu'il y a un malaise, quoi, vraiment. Mais pas le petit « oh là là, je vais tomber dans les pommes ». C'est vraiment, on a l'impression qu'il va recracher ses tripes à n'importe quel moment. Et donc, il parle quasiment plus du tout à une personne en particulier, qui est Kornilov, qui, en fait, ne le regarde même plus. Et on peut sentir une certaine animosité de la part de Hugo envers Kornilov. Voilà. Est-ce que nous, est-ce qu'on le ressent vraiment ou en tant que joueur, enfin, en tant que, je veux dire, personnage du coup, enfin, on se comprend. C'est pour toi, Hugo. Bah, presque si pour le même sens où. Oui. Ok. Oui, non, bah, après. Allô. Nous, allô. Ouais. Oui, oui. Okay. La question était. Ah oui. Alors la question est, est-ce que ça se ressent vraiment tout ça pour les autres, tu vois, en tant que personnage, est-ce qu'ils sentent l'animosité, etc. dans le personnage? Ou c'est plus interne? Mais le malaise se ressent, parce que tu tousses, etc. Mm. Mais tout ce qui est animosité... Ah bien, c'est vraiment, on a l'impression qu'il va gerber à la moindre occasion, genre il est. Ouais, mais est-ce qu'on ressent l'animosité que tu témoignes à Kornilov ou pas? Est-ce que c'est transformé? Bah, c'est comme s'il n'existe plus. Ouais, donc en gros, on le ressent. Vraiment, c'est visible. Ouais, voilà. Genre, si je devrais m'adresser à lui, je passerais par quelqu'un. Okay. Ouais, oh, merde, c'est une icône. Ouais. Très bien. Faudra trouver une explication à. Ouais, c'est. Parce que pour l'instant, on est quand même dans une période plutôt calme. Ouais. Groupe, hein. C'est pas non, mais je lis l'explication. Si vous voulez, je la donne, mais. Je demande juste que ce soit pour l'instant, voilà, quand même. Encore une fois, pour l'instant. Ce très cher Hugo en veut particulièrement à Kornilov de nous avoir fait rester plus longtemps qu'on le devrait. Et, c'est dans vraiment. Dans le quartier, quoi. Dans le secteur. Ouais. Non, mais oui, dans. Bon, il en veut particulièrement pour ça. Et donc, depuis ces 3-4 derniers jours, pas de la haine, quoi, mais genre. Il y a quelques griefs, on va dire. Voilà. D'accord. Il lui adresse. Donc, oui, c'est peut-être beaucoup, mais. Voilà. Oui, ok. Ça peut être quelqu'un de. Ouais, de. On est un peu comme ça. Bah, il est pas chez lui, donc en gros, c'est vraiment pas son monde, donc il est pas oui, bien. Je veux dire que d'en vouloir, finalement, ça peut paraître gratuit, mais si c'est un peu cet aspect, en effet, de Hugo qui ressort, je pense que c'est pas normal. D'ailleurs, moi, j'avais une question, vu que Hugo, je le connais déjà depuis quelques années. Est-ce que j'ai appris à le connaître dans ce genre d'humeur? Est-ce que c'est quelque chose qui lui arrive? Alors là, pour le coup, honnêtement, vu que à mon avis, vous êtes rarement allé dans la base ville avec lui. Surtout autant de temps. Vous savez peut-être qu'il y a ce genre d'humeur dans certaines situations, mais là, c'est, on peut pas dire c'est qu'on va dire que d'habitude, tu vois. Okay, je pense, hein. On peut m'interrompre si je fais, si je dis n'importe quoi, mais ça me semble cohérent avec la situation. Du coup, très bien. Du coup, je disais que dans cette rue. Qui du coup en fait vous comprenez pourquoi elle est bien choisie, parce qu'en fait elle est très étroite à son entrée et à son sortie, mais le cœur de la rue est en fait assez large, et pourtant elle est pas peuplée du tout. Il y a personne qui traîne, les bâtiments qui l'entourent, enfin du moins qui forment même cette petite rue, et ont l'air pas très occupés, ça a l'air plutôt proche de squats pour des rats ou ce genre de truc, pour vraiment des gens qui habitent, et pourtant il y a sûrement des gens qui habitent, mais ouais, le coin a l'air un peu mort en plein milieu de toutes encore ces rues du coup très peuplées, ça dénote un peu. Enfin bref, vous vous y installez, et du coup justement j'aimerais vous demander, cette rue du coup, bah, comment vous vous y tenez? Est-ce que vous restez juste au milieu à attendre, ou est-ce que vous, en attendant Benedacci, vous vous mettez sur le côté, vous vous installez peut-être à chaque coin? Enfin, voilà. Dites-moi, comment vous vous installez en attendant Benedacci? Moi, je regarde les ruelles qui mènent à notre point, justement. Enfin, par là où on peut arriver, et je jette des coups d'œil quand même. Moi, je cache mon bras derrière un grand manteau bien épais. Je sors mes gants de mes poches pour pouvoir les mettre. J'aimerais pas contente de me le voler pour le revendre. Très bien. Du coup, niveau installation, vous restez plus ou moins en fait visible dans la rue, c'est ça? Ok. Ouais. Le temps passe. Oui. Oui, vas-y. C'est bon. D'accord. Le temps passe. Hein. Quelques heures, parce que bon, vous êtes quand même venu un peu en avance, mais voilà, une à deux heures passent, et la nuit est à son point le plus obscur, hein, c'est-à-dire la nuit bien avancée, noire, où y a encore de la vie, vous le savez, puisque les villes, en fait, ont deux rimes de vie. Il y a la ville de jour et la ville de nuit, et certaines personnes ne vivent que de nuit, d'autres que de jour. D'ailleurs, il est même possible que des gens habitant le même appartement, vous le savez, surtout dans les basses villes, parce que c'est là où il y a le plus de gens, qu'une personne peut habiter, enfin deux personnes du coup peuvent habiter le même appartement sans jamais s'être croisées une seule fois de leur vie, parce que l'un vit le jour et l'autre la nuit. C'est quelque chose qui se raconte souvent dans les basses villes. C'est quelque chose, voilà, si vous vous intéressez un tout petit peu, c'est quelqu'un à peu près de tout le monde, de ce que je sais, parce que vous avez tous une attirance vers la basse ville. Enfin, plutôt la haute basse ville, mais bon, voilà, vous avez une attirance pour certains concrète et d'autres un peu plus éloignée. Donc, voilà, c'est le petit genre d'anecdote qui se raconte surtout dans les soirées mondaines. En mode, oh, vous savez que eux ne se croisent jamais, c'est rigolo. Voilà. Bref, du coup, il y a de la vie malgré tout, et rapidement, vous voyez, excusez-moi, mon dieu. Je vais boire. Je disais donc, je vais me mettre en plein écran pour pas voir ce chat. Vous voyez donc arriver une femme aux cheveux courts, dont vous connaissez là les traits quand elle se rapproche, de Sofia Benedacci. Elle s'approche. Vous voit, vous fait signe de la main pour voir si tout a l'air en accord. Vous lui rendez ce signe, je suppose. Et elle se rapproche vers vous. Vous êtes là. J'ai bien cru que je ne tomberais plus jamais sur vous. Que nous vaut ce rendez-vous? J'aimerais que vous me rendiez un service. Je suis un peu désolé de tomber sur vous, mais je n'ai pas grand monde à qui le demander. Et... Enfin, vous allez comprendre. J'aurais besoin que vous m'aidiez à écarter Kaino quelque temps de l'usine. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Juste besoin qu'il soit un peu plus loin, une petite semaine, un peu plus. Pour quelle raison ? Vous voulez qu'on travaille pour vous, qu'on vous rende service ? La moindre des choses, ce serait de savoir pourquoi on le fait. Oui, oui, oui. Allez-y. Vous voyez que elle prend une grande respiration, ferme les yeux, grimace un coup et réouvre les yeux en laissant un énorme soupir. Faire bon. Je suis désolé que ça tombe sur vous, mais vous êtes les seuls à m'avoir attiré un peu de sympathie ces derniers temps et surtout ne pas avoir parlé de Kaino en disant vouloir le tuer immédiatement et j'aimerais bien qu'il survive. Vous savez, enfin, c'est sûrement évident, mais je veux juste partir. J'en peux plus. Je n'ai jamais voulu de cette vie. J'ai jamais voulu de cette usine, de cette ville, de tout ça. Et rien me plaît, rien m'attache. Je veux juste partir sur les traverses. Je veux juste avoir une nouvelle vie, et pour ça j'ai utilisé Kaino. Il pense vivre une relation follement amoureuse avec moi. Je ne fais que soutirer l'argent qu'il me donne. Ça me permet de payer des faux papiers pour sortir sans prévenir mon père, et il s'est vraiment attaché à moi. Moi je n'aime pas les hommes, je n'avais senti le moindre attirant. J'ai juste profité de sa naïveté. Et j'aimerais bien qu'il s'écarte. Il est gentil, mais très collant dans le couple. Enfin, dans le couple, ce qu'il en est. J'aimerais juste que vous l'éloignez, qu'il puisse pas accéder à moi le temps que je fasse ses papiers et m'en vais. Je peux pas lui expliquer directement ce que je fais, il comprendrait pas. Et vous êtes les seuls qui n'a pas parlé de vouloir le tuer immédiatement, et j'aimerais bien qu'il ne meure pas. Ça ne fait pas partie de nos prérogatives. Par contre, nous aurions peut-être besoin de vous poser quelques questions avant. Oui, oui. Fait, de toute façon, j'en ai déjà trop dit. Donnez-nous de quoi pouvoir le mener à l'écart de vous pendant quelque temps. Donnez-nous des informations qui pourraient nous être utiles. Je sais pas, si je saurais comment faire, je m'en serais coupé toute seule, mais la seule chose qui passe avant moi, c'est son travail de syndicaliste, mais j'ai aucun moyen d'influencer dessus. Enfin, Peut-être qu'un duel avec son avocat pourrait... Une accusation, par exemple, pour vol de machine ou quoi que ce soit d'autre. Enfin, là, j'en discute plus avec les autres que... Je cherche pas son approbation en disant ça. Mm-hmm. On va dire que je le dis un peu plus bas en regardant les autres entre les yeux. Voir comment est-ce qu'ils ont l'air de réagir à ces mots. Les duels, c'est pas notre... Là, c'est une question au MJ, du coup. Mm-hmm. Les duels, oui. Ça se termine avec un mort. Oui, mais c'est l'avocat dueliste qui meurt. Après, je pense qu'il faudrait pouvoir l'attirer avec quelque chose qui soit assez intéressant ou important pour lui, pour que il nous suive et qu'il, du coup, abandonne son poste à un certain temps. Mais pour cela, il faut que vous puissiez nous donner des informations ou des choses qui vous permettraient de pouvoir le faire. Et vous avez l'air d'assez le connaître pour ça. Je vous l'ai dit, Je, il n'y a que son travail qui passe avant, et non, je le connais pas vraiment, je n'ai fait que soutirer son argent, okay. C'est lui qui est amoureux de moi, écoutez, pas l'inverse. Écoutez, mademoiselle, vous dites qu'il est amoureux de vous et qu'il est follement amoureux de vous, donc l'amour est malheureusement, dans son cas, une faiblesse que vous pouvez exploiter pour essayer de tirer des informations qui pourraient nous être utiles par la suite et pourraient vous être utile à vous. Donc, me demandez pas de le revoir, s'il vous plaît. J'ai tout comme l'impression que la madame veut partir au plus vite, donc je suis pas sûr que ce soit. Oui, mais comment... Je mange juste l'écarté une semaine, c'est le temps qu'il me faut pour avoir les papiers. C'est énorme. Comment voulez-vous qu'on le tienne une semaine? Et ça demande 3 jours déjà de monter à Hauteville. S'il fait un aller-retour, il y a déjà 6 jours qui sont épuisés. Il suffit que vous maintenez une journée en Hauteville et la semaine passe. Il me faut juste le temps d'avoir ces faux papiers, de finir de payer. Et d'emprunter cette porte à jamais. Nous allons avoir besoin de son adresse. Oui, ça je peux vous le donner. Il habite. Vous en appreniez plus sur les choses qui se sont passées dans votre usine. Dites-nous tout ce que vous savez. Voyez-vous, vous allez nous demander d'occuper une semaine entière de notre temps et nous allons avoir besoin de justifier ça, sans doute, au niveau de nos supérieurs. Oui, je comprends totalement. Donc, si nous n'avons rien à leur donner en échange pour justifier cette semaine de, disons, absence, eh bien, cela risque de poser problème et nous pourrions être obligés, malencontreusement, de le libérer plus tôt que prévu. Ouais. Je comprends. C'est l'usine. Je dois avouer, je crois que vous en sachez un temps de moi. Il y a cette histoire de religion là qui avait l'air de vous poser problème. Rien ne vous empêche de jouer là-dessus. Je ne sais plus. Je dois vous avouer, n'être vraiment pas intéressé par ce qui se passe dedans. Le vol de machine, par exemple. C'est la grosse machine qui peut se déplacer qu'à plusieurs. Vol de machine. Il me manque une machine. Ouais. Genre, vous auriez pas eu besoin, par exemple, vous, de participer à ça pour avoir un peu d'argent et partir sur les traverses. Histoire qu'on sache, par exemple, si on doit couvrir ça ou pas dans l'affaire. À vrai dire, je crois même pas me souvenir de quoi vous parlez. Ok, ça. Bah. Je pas en toute honnêteté, bien entendu, je n'ai pas raison de vous mentir maintenant. Surtout pas après tout ce que je viens de vous dire. Mais non, cette disparition de machine ne dit rien. Ça veut sûrement dire d'ailleurs qu'il manque vraiment une machine dans l'usine. Oh putain. Ouais, mais c'est plus un problème pour vous de toute manière, a priori. Non, là, de toute façon, la personne qui me suivra s'occupera de la faire tourner comme il se faut. Vous avez une idée de la personne qui vous suivra, d'ailleurs, en parlant de ça? Non, à tous les coups, c'est mon père qui va décider, comme il a décidé de me mettre là. Il a sûrement... Mais peut-être que vous pourriez, disons, vous occuper de ça, non? C'est une faveur que vous me demandez? Ça me dérange pas. J'ai vraiment aucun attachement. Si vous voulez que je mette quelqu'un de votre connaissance... En effet, combien de temps pensez-vous que cela prendrait pour fusionner 2 entreprises en... Vous voulez dire fusionner toute la gestion, genre... Oui, par exemple, avec une ancienne entreprise concurrente. Alors là, par contre, ça risque d'être un peu plus compliqué. Est-ce que ça... Du coup, faut voir avec ceux qui vous... Bah, ceux qui dirigent vraiment cette usine, c'est-à-dire mon père, du haut de la Hauteville. Mais honnêtement, à partir du moment qu'il y a l'accord des 2 plus grands dirigeants de l'usine... ça peut se faire juste le temps que tout remonte, donc d'avoir une... non, moi je n'ai pas ces droits-là. Vous en doutez bien que si j'aurais le droit de juste céder l'entreprise, je l'aurais déjà fait. Si je pars comme ça en fuite, c'est que je n'ai pas d'autre solution. Dommage. Enfin bon, passons cette... Après, si vous avez vraiment besoin de jouer... Les missions politiques, je peux mettre quelqu'un de votre connaissance à la tête de l'usine, ça fera déjà un poids. Il pourra pas fusionner, mais ça pourrait jouer sur le long terme. ça sera ma façon de vous remercier. Je dois avouer ne pas avoir grand chose à offrir. Je ne peux pas vous payer parce que le seul argent que j'ai part dans mes faux papiers. Eh bien, c'est l'une des manières dont vous pouvez nous aider, mais en effet, quelconque information serait encore plus agréable et acceptable. On vous en rappelait de toutes les questions que nous avions posées. Oui, mais je dois dire que j'étais aussi honnête qu'aujourd'hui. J'ai vraiment aucun attachement à ce qui se passe dans l'usine et je peux vraiment pas répondre honnêtement à vos questions. Ce qui s'y passe ne m'a jamais intéressé. La seule chose qui me travaille ces derniers temps, c'est d'avoir ces papiers et réussir à fuir le plus loin possible. Je suis désolé, j'aimerais vraiment vous aider plus que ça. Je sais que c'est stupide, je viens, je vous donne des informations, vous pourrez tout simplement tout révéler à mon père, je sais que vous lui avez parlé. J'ai juste besoin d'aide, là. Sinon, je voulais profiter un petit peu de la situation, puisque quelque part, on va se rendre service mutuellement. Vous n'aurez rien... aucune information sur un certain Villevalente. Alors là, pas du tout. C'est un ouvrier? Non. Excusez-moi. Je sais pas de qui vous parlez. Non, si vous non, parlez mais je pose des questions. Demandez plutôt à mon père. J'ai jamais dépassé les rues de la base ville. D'accord. Écoutez, ma foi, mes amis, il va falloir être ingénieux et faire preuve d'intelligence pour trouver un moyen d'amener ce jeune monsieur loin de vous. Je serais vraiment reconnaissante et en plus de ce que je pourrais vous rendre en service ici, si jamais un jour on se rejoint sur les traverses, je vous remercierai comme il se doit avec ce que j'ai là-bas. Okay. À tout hasard, vous avez déjà votre destination, vous savez dans... Non, j'ai juste être nomade pendant un moment. Peut-être je trouverai un endroit qui me donne envie de m'installer, mais j'ai besoin d'air, de partir de ces constructions de ferraille, de juste vivre sur la pierre et les crimes. D'accord. Je n'ai évidemment aucune compassion envers les crimes, hein, n'en croyez pas. Je veux juste dire que... De toute façon, je suis déjà au contact de les crimes dans l'usine, mais... Enfin, vous m'avez compris. Ouais, non, bien oui. Sûr. Écoutez, ma foi, mes amis, comme vous voulez, ça ne pose pas de problème de mon côté. Moi, je veux bien. Mais comme on l'a dit, il faut quand même qu'on ait quelque chose en retour. A priori, on ne s'est pas encore vraiment mis d'accord sur quoi faire. Je vous avoue que si, avant de disparaître, vous pouviez donner un petit coup de pouce à votre surveillant de nuit, Rolando Fiani, de la part de son collègue d'un jour, ça m'irait bien. Ok, Rolando Piani. Ouais, surveillant de nuit. Ok, je m'en souviendrai. Je lui donnerai un statut. Genre le plus gros coup de pouce que vous pourriez faire passer sans que ce soit trop... étrange. Je le ferai. De toute façon, vu le service que vous me demandez, je peux quasiment rien de vous refuser. Où est-ce que vous allez partir exactement? Quand est-ce que... Où est-ce que... Où est-ce que vous allez partir exactement? Non, elle n'a pas de destination. Je vous ai dit, je pars en nomade pour l'instant, je j'emprunte juste la trame. Dans quelle direction exactement? Sur quelle traverse? Tout à fait. Je vais partir par la porte. Laissez-moi juste me souvenir par le scroll. Hop. Je dis pas de bêtises. Sur la première rame. Je pars par la porte nord, donc c'est celle qui rejoint la Pentapoli. D'accord, merci bien. Après, comme dit, je ne sais pas du tout où je vais réellement. Donc. Oui, on peut ne pas savoir où on va, mais y aller quand même. En tout cas, faut croire que avant notre arrivée, les choses n'étaient pas aussi tranquilles qu'ils le faisaient croire. Hein. Je n'ai jamais prétendu ça, je le fais que pour que mon père ne se doute pas de ce que je prépare depuis un petit moment. Ça fait quelques teintes que j'y réfléchis. Mais... Et quelqu'un vous accompagne d'ailleurs dans cette... Non, je n'ai personne ici à qui je tiens. Ok. Ok, bah, je pense que... On va se laisser. Oui, voilà. Même pas Kano. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, attendez, qu'est-ce qu'on doit faire déjà? Non. c'est qui qu'on doit aller? Je vois qu'elle vous salue, elle vous remercie, mais quelquefois, vraiment, avant de vous tourner le dos, d'une sincérité absolue, et repart rejoindre les ruelles et fouillées de personnes. Comme elle est venue. Exactement. Ouais, et bien écoutez, mes amis... Je sais pas comment on va s'y prendre pour ce Kano, mais il va falloir la jouer fine. Il a l'air, comme vous savez, d'être assez futé. Et il a l'air d'avoir aussi des contacts un peu partout. Donc, je pense que Rolando a fait la meilleure affaire de sa vie en discutant avec notre cher ami. C'est très bon. Je pense que oui. Oui, certes. Ça fera sans doute un allié très précieux. Ah, c'est vrai qu'on peut toujours lui demander d'intervenir dans notre problème. Je pense qu'il ne sera pas sur ses positions avant la fin de notre problème, quand même. Et il nous servira peut-être si on a notre problème dans le coin, pour plus tard. Mm. Ça va devenir un bon ami, vous inquiétez pas. Après, comment se déplace notre ami Kano? Toujours à pied ou il utilisait... Alors, tu sais que de base, c'est au minimum à pied, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de véhicule à Venise, c'est une des rares villes où il n'y a vraiment rien qui circule, mis à part la grosse ligne de tram, qui est d'ailleurs quasi inexistante en basse ville, donc il faut au moins atteindre à peu près la moyenne ville, ce que vous avez fait à l'aller, puisque vous avez marché après pour rejoindre l'usine. Et après, à la haute ville, il y a une petite ligne de tram qui est installée, mais c'est des wagons privés, etc. Il faut y avoir accès. Et, vous savez pas, par contre, si Kano est considéré comme un peu de la haute et qu'il a droit à vos privilèges ou pas du tout. Alors, j'ai quelque chose à vous proposer. On peut-être partir sur quelque chose. Il faut la jouer fine, mais c'est jouable. Étant donné que j'ai envoyé un message à Elig... il y a peu pour qu'elle se renseigne sur Kano, justement. On pourrait tout utiliser en fait le fait que nous soyons sur cette enquête sur la. Sur, Attends. Oui. Mais pourquoi t'avais ça? Faire quoi? Envoyer. Bah pour quelle enquête sur lui, savoir ce qu'on... Oui, oui, mais ça, c'est un aveu d'incompétence, c'est pas demander de l'aide. Et qu'est-ce que t'as fait? Il a envoyé un messager. Après, effectivement, il y a eu apparemment un peu de désaccord dans le groupe, parce que de toute façon, Hugo... On ne peut pas être partout à la fois, donc... Kornilov te rejoint, disant que il y a forte chance, de toute façon, qu'elle décline étant votre supérieur hiérarchique, mais... Oui. Et de toute manière, vrai, bon. Même rajoutant ça, de toute manière, c'est fait, ça a été fait. Oui. De toute façon, on peut l'utiliser. Non, on peut pas. Parce que même si tu l'as fait, c'est trop tôt encore, parce que tu te souviens qu'il y a de la distance dans la ville et tout ça. Non. Le message aujourd'hui n'est même pas encore sûrement arrivé à elle actuellement. Oui, mais j'en viens au fait que même si le message n'est pas encore arrivé, on pourrait toujours prétendre que nous avons des suspicions sur ce fameux Kano qui pourrait peut-être nécessiter un petit entretien sur ses activités, un peu, enfin, vous voyez, chez nous. Du coup, qui pourrait le retenir quelques temps, le temps qu'elle fasse ses histoires, et qui après, bah, qui reviendrait en bas et elle serait plus là. Pour voilà, nous, ça n'aurait aucune incidence, et pour eux, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez que, oui, enfin, c'est une possibilité en tout cas, oui. Mais vous savez aussi qu'il nous manque quelque chose, c'est qu'on l'a toujours pas réinterrogé rien que pour notre affaire déjà. On peut faire d'une pierre deux coups et faire l'enchaînement. Oui, voilà. Mais si avec notre affaire, c'est peut-être un peu impropre comme façon de faire. Mais disons que ce serait peut-être une version plus officielle, sans que nous ayons à se mettre en porte-à-faux avec notre hiérarchie. Un simple entretien dans nos locaux pour en savoir un peu plus sur ce qui se trame. Voilà. Mais bon, après, ce n'est qu'une idée parmi tant d'autres. En tout cas, a priori, c'est tout ce qui nous reste avant qu'on mette fin à notre séjour ici. A priori, de ce que j'ai compris. Faut qu'on aille voir quand même Ville Valente et tout ça, mais eux ne sont plus dans la base ville. Voilà. Enfin, ils ne sont pas dans la base ville. Ouais. Donc, tant qu'on est là, il faut qu'on fasse tout ce qu'on a à faire ici avant d'aller les voir. Qu'est-ce que vous voudriez faire de plus? Moi, personnellement. A priori, il y a juste à se débarrasser de Kaino temporairement. Et après, on repart en haut. Donc, va peut-être faire plaisir à notre très cher ami Hugo. Si j'en crois. J'espère bien. Très bien. Du coup, votre décision, là, maintenant, ça va être de faire quoi? On est la nuit tombée. Est-ce que vous en profitez pour faire la dernière action avant de remonter en haute ville? Parce que, de toute façon, vous savez que vous avez maintenant des choses à faire en haute ville. Voilà. Quelles sont vos dernières choses à faire dans cette société? Cette phrase ne voulait rien dire. Faut qu'on s'occupe de Kaino avant de repartir, tout simplement, je crois. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par s'occuper de Kaino? Une enfer. Mais j'avoue qu'en pleine nuit, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose. Il doit pas être là. Ah non. Il est peut-être là encore la nuit, non? Enfin, ça veut dire qu'il dormirait que 2 heures s'il est syndicaliste quasiment tout le temps. Effectivement. Il a des absences. Mais encore une fois, il part généralement 15 minutes après la patronne. C'était en fonction de tout ce qu'il part. Nous. Et oui. Donc oui, effectivement, il y a de la logique dans les idées. Sachant que j'indique, rien ne vous interdit d'envoyer un messager demandant à Kaino de se rendre dans la haute ville pour un interrogatoire. Vous de monter, vous savez que si lui n'a pas accès au tramway, c'est 3 jours de marche, alors que vous, c'est une demi-journée pour monter. On peut vraiment le forcer comme ça à venir. Pour le coup, s'il reçoit un message officiel venant des métropolites, voilà, merci. Effectivement, à partir du moment où c'est signé vraiment métropolite, donc ministère de la propagande, les gens ont tendance à suivre. Parce que là, ils savent pas si vous avez votre badge ou pas pour dire si vous êtes des nouveaux dont on se moque ou si vous êtes sérieux. Donc à partir du moment où généralement t'as un message. Après, peut-être qu'il jouerait le rebelle qui viendrait pas, mais tu sais que les gens ont quand même une peur du ministère de la propagande. C'est passible d'une sanction, quoi, hein. S'il vient pas. Oui, voilà. Après, si vous faites une conversation une convocation officielle, effectivement, il y a de fortes chances que ça l'attire. Et du coup, le temps qui monte, ça vous donne 3 jours. Vous mettez une demi-journée, donc ça vous donnerait 2 jours et demi pour programmer ce que vous devez faire dès son arrivée. Et donc interroger les gens que vous voulez, etc. C'est plutôt bien, moi, je trouve. Ouais, en effet, c'est... C'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait, le temps a vraiment un impact assez impressionnant, quoi. Et la distance, c'est vraiment pour en jouer assez... assez manipulable, quoi. Ouais. A priori, on remonte, donc, a priori, maintenant. Alors, a priori, on envoie la lettre et on peut rester en bas encore un peu, si on veut. Ouais, y a plus rien à faire en bas, techniquement. Pardon ? Faire en bas. Il n'y a plus que Kaino en bas comme personne d'intérêt. Et vu qu'on le fait remonter à nous, on peut aller dormir dans des bons lits. Ouais, parfait. Ok. Alors, j'interviens juste, parce que, bon, en soi, c'est du détail, mais pour moi, c'est important dans la conception de Skycream. C'est pas une lettre que vous envoyez, parce que le papier n'existe pas, je rappelle. Enfin, il existe, oui, mais... c'est une plaque de cuivre. Voilà, c'est soit une plaque de cuivre, soit un messager oral. Je pense que la plaque de cuivre serait plus parlante. Oui. Exactement. Voilà. Voilà, mais je préfère l'indiquer, histoire qu'il n'y a pas de mauvais... Non, bah, donc, ouais, avant de remonter, vous passez par le quartier des Forgerons, qui du coup... parce que effectivement, en ville, il faut savoir que c'est construit par intérêt. Il y a des quartiers résidentiels, avec par exemple la rue des Ponts Rouges, avec la Fleur des Crimes en arrière, mais il y a aussi les concernes, en fait, pour déjà avoir un monopole et contrôler absolument tout, mais aussi parce que, comme il n'y a pas de carte de ville, je le rappelle, que les villes, c'est très organique, il y a des rues qui se créent, qui se ferment, etc., selon la construction d'un jour ou du lendemain, bah du coup, en fait, pour que les gens savent où chercher des choses, bah du coup, les services rendus, donc tout ce qui est forgeron, par exemple, pour ceux qui travaillent le métal, le cuivre, etc., bah ils sont tous dans le même quartier. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, et donc voilà, il y a le quartier des forgerons, il y a le quartier des commerçants de telle chose, enfin bref, vous voyez comment ça fonctionne. Donc vous rendez rapidement au quartier des forgerons, vous en prenez un, et vous demandez de faire graver en tant que métropolite, vos uniformes que vous avez sûrement remis attestent en tout cas de votre appartenance, même si vous n'avez pas le badge, donc du coup il construit une plaque officielle. Non, ça c'est... du coup, voilà, il y a une plaque officielle signée du coup du ministère de la Propagande, dans laquelle, d'ailleurs, la personne vous demande de ne pas payer directement vous, parce que tout simplement, c'est le concern qui, en fait, fait une frais de note au ministère de la Propagande. Enfin bref, il n'y a pas de monnaie qui est échangée entre vous et le forgeron. Et voilà, il vous fait graver, excusez-moi, la plaque de cuivre, vous la transmettez à un messager qui ira chercher Kaino, c'est leur métier, vous n'avez pas besoin de donner plus d'indications que qui est la personne et vers où elle traîne, et vous pouvez du coup remonter. Vous remontez donc, vous repassez dans ce tramway qui vous est plus ou moins réservé, hein, parce que vous êtes les seuls à pouvoir l'utiliser, et vous remontez... passant de cette cité très très renfermée sur elle-même, remplie de monde, à de plus en plus une cité plus aérée, où le ciel réapparaît finalement, où tout n'est pas que toiture absolument partout, et tout simplement vous retrouvez un peu les bases de la haute ville, même si c'est la haute basse ville pour le moment, c'est quand même la haute ville, parce que vous êtes trois encore à y habiter. Donc vous reconnaissez les coins, ça rassure un peu. Je pense notamment à Hugo qui, je le suppose, va souffler un petit peu sortant de la basse ville et retrouvant des rues un peu plus désertes, même s'il y a des gens, mais comparé à ce qu'il y a dans la basse ville, je pense à faire souffler, même pour vous, hein, parce que c'est vrai, un sacré rythme de vie, vous avez passé 5 jours là-bas en tout, 6 même, 6 jours. Voilà, ça fatigué. Enfin bref, vous faites du coup ce demi-journée, vous dormez dans le tramway qui vous ramène. Hein. Et donc, le lendemain matin, donc le 18, hein, si je ne dis point de bêtises, non, le 19, 1, vers D 1131, vous êtes au niveau de la ville, là où il y a les fonctionnaires, etc. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Dites-moi tout. Est-ce que vous vous mettez à la recherche? Est-ce que vous retournez au QG est-ce que voilà, que... qu'est-ce que vous faites Je pense qu'on s'occupe déjà de demander à Kaino de venir. Ouais. Mais ça, du coup, ça a été fait en partant. Ah, d'accord. Oui, avec le forgeron. Oui, voilà. Avec, je sais que j'ai un peu galéré à parler pendant cette séquence. Ouais, je suis désolé. J'avais raté cette procédure. Effectivement. Moi, comme je l'ai dit, j'ai la tête dans l'affaire, donc pour moi, mm-hmm. il faut avant tout continuer l'affaire et donc chercher ce fameux Vilvalente et le maître de loge qui traîne avec lui a priori. Ok. Eh bien, attardons-nous là-dessus. Est-ce que, juste pour savoir, vous avez le droit de me répondre oui ou non, parce que vous avez vraiment toute liberté totale là-dessus, juste vraiment, est-ce que vous repassez par le QG rapidement, ou est-ce que vous êtes en mode, allez, on va directement chercher Villente. On va se faire propre, je pense, quand même. Ouais. C'est quelqu'un de la haute. Ouais, donc vous repassez par le QG rapidement, comme on ça. On repasse par l'uniforme de bleu. Ouais, aussi. Okay. Oui, évidemment. Okay. Uniforme, une petite douche, je sais pas comment on va passer cet univers. Une toilette. Alors, du coup, effectivement, une toilette. Vous retournez au QG, ça vous fait un peu de marche, mais c'est pas très grave, de toute façon, il faut monter un peu pour aller chercher les gens de la haute, donc vous savez que dans tous les cas, c'est plus ou moins sur le trajet, c'est juste vous avez une demi-heure de marche de plus, quoi. Bon, c'est le matin, vous êtes plutôt tranquille, donc vous arrivez, et vous arrivez, du coup, je vous rappelle, hein, c'est 4 bâtiments qui forment un carré avec une cour centrale, vous rentrez, ouais. Vous devez passer... monter les étages et le 7e étage est votre étage principal. L'un d'entre vous va directement au 8e pour amener directement le récepteur d'eau de pluie qui est installé de base parce que la plupart des gens l'installent de toute façon maintenant de base, c'est pas un truc personnel. Vous ramenez un récepteur de pluie qui du coup vous douchez avec. Hein. Vous savez que de toute façon toute l'eau est rattrapée par la pluie. D'ailleurs, pour vous expliquer un peu, parce qu'on est toujours dans la présentation de l'univers, on est dans les premières sessions, vous voyez un peu comment le monde fonctionne. La pluie, la plupart du temps, c'est de l'eau. Comment ça se passe? C'est que les crimes est composé des crimes et d'eau, ce qui fait que du coup, il y a des moyens de la chauffer, etc. Ça, vous savez que c'est comme ça, par exemple, que marchent les ballons flottants, les dirigeables, etc. Maintenant, ça fonctionne pas à l'eau, mais ça fonctionne à l'écrime, chauffé. Et... dans l'univers, du coup, la pluie est trois quarts du temps de l'eau, parce que l'eau est évaporée, c'est le cycle de l'eau, hein. Comme on vous l'apprend au collège dans la vraie vie, on l'apprend aussi dans le monde des crimes, parce que c'est important de savoir comment l'eau fonctionne, parce que de temps en temps, il arrive qu'il y a certaines tempêtes, hein, c'est pour ça que j'en parle, où la pluie, c'est de la pluie acide, excusez-moi, j'ai un peu du mal à articuler, parce que de temps en temps, à force du cycle de l'eau, des fois il y a des crimes qui montent avec l'eau. Et autant la plupart du temps, les nuages ne rejettent que de l'eau et tout va bien, mais des fois, ils sont trop chargés en écrime et ça fait de la pluie acide. Hein, et c'est des pluies plutôt dévastatrices. Il faut toujours retirer les récepteurs d'eau, il faut faire gaffe aux plantations, c'est pour ça qu'elles sont généralement prêtes à être protégées en cas de problème, etc. Et vous savez que c'est des jours où on sort pas trop, mis à part quand t'es obligé, et généralement tu fais des trucs très rapides, t'évites de traîner trop dans les rues. Et là, c'est le moment, par exemple, où vous passez pas 3 jours à marcher. Parce que voilà, passer la journée sous les pluies d'acide, hein, c'est pas très conseillé. Voilà, c'était juste pour vous indiquer un peu comment marchait la tempérie dans Écrime. D'ailleurs, il faut savoir qu'il pleut énormément. Là, ces derniers temps, il fait bizarrement assez sec. D'ailleurs, vous le notez, hein, mais ça va faire quelques semaines qu'il n'a pas plu. Donc, vous supposez que la prochaine pluie, d'ailleurs, justement, sera acide. Hein, parce que là, pour le coup... il y a eu un vrai trou sans pluie, ce qui est très rare, et généralement que ça veut dire qu'il y a une énorme tempête qui se prépare, donc voilà. Bref, c'était le petit point météo, mais c'était pour vous donner un peu comment fonctionnait l'univers décrit. Tout ça pour dire que voilà, vous prenez un petit récepteur d'eau et ça vous permet de chacun d'aller faire sa toilette dans son coin. Je rappelle qu'il n'y a aucun meuble toujours dans votre QG Indigo. Et du coup, vous réussissez. On pourrait le peindre en bleu. Et pardon ? On pourrait le peindre en bleu. Note pour plus tard. Tout à fait. Je te laisse le noter sur ta feuille pour que si ça revient. Du coup, vous mettez, vous vous changez, vous faites une petite toilette, vous remettez bien. Ça fait énormément de bien au moral. Ça fait du bien physiquement. Vous vous sentez vraiment bien. Vous savez, vous avez un ressursaut d'énergie en mode c'était le truc qui vous manquait, quoi. Hugo a repris et la couleur. Il y a... oui, Hugo, je pense, a repris un peu de couleur, par contre. Parce que ça y est, ça souffle. Non, mais ça prend du temps, quand même. Faut pas déconner non plus. Enfin, c'est comme... peut-être un peu, mais... J'ai pas dit que ça, tu pétais la forme. J'ai dit que t'avais repris des couleurs. C'est pas pareil. Ouais, même ça prend du temps. Il y a un rabat-joie, celui-là. Bon, ça prendra plus qu'une demi-journée et quelques heures de marche. Du coup, C'est pour vous dire, vous installez et en vous préparant, vous remarquez que par contre, il y a énormément de plaques de cuivre qui a été déposée à l'entrée de votre de votre milieu, le septième étage. Les factures. Ah. Déjà. Qui a été posé tout simplement dans un coin en rentrant. Vous pouvez lire rapidement pendant que vous préparez. Et en gros, c'est plein de notices de missions. Alors, bon, vous y attardez pas tant que ça, parce que vous savez que vous avez la vôtre. Mais il y a quand même une bonne dizaine de plaques dans lesquelles on dit « Ah bah tiens, ça serait bien que vous allez voir ça, ou ça serait bien que vous allez faire ça, nani, nani. » Il y a des petites indications de missions. Donc voilà, vous savez que visiblement votre absence n'a pas gêné sur le fait qu'on vous commande quand même. Et bon, après, en ayant regardé, parce qu'en vrai vous lisez, là je vais juste pas m'y attarder parce que c'est pas intéressant tout de suite, c'est déjà ce que vous allez faire. Hein. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de tâches qui ont l'air très rapides et pas très importantes non plus. Hein. Vous doutez que les missions importantes sont. Mettre en temps libre pour éviter que le courrier s'accumule. Voilà, exactement. On ouvre pas notre porte. Visiblement, les métropolites ont l'air de faire plusieurs missions en même temps, selon leur importance. En tout cas, vous savez déjà ce que vous allez faire, donc une fois revigoré un tout petit peu, ça va être du coup le moment de appliquer votre mission, qui est du coup d'aller voir Villente et son ami. Du coup, où est-ce que vous vous rendez pour les chercher? Oh, c'est quand même des noms, ils ont une industrie et tout ça, et on doit bien trouver facilement... Ouais. Est-ce qu'ils habitent ? Alors, honnêtement, c'est une question un peu piège, c'est juste pour voir si vous avez retenu un petit point de la session dernière ou pas. C'est pas un vrai piège, c'est pas grave, si non, ouais. Mais c'est juste pour voir si. Est-ce que c'était pas là où on avait rencontré déjà le père il, avait... ouais. Il était dans un endroit particulier en effet. C'était pas une espèce de serre ou je... Non. Il y avait de la serre dans l'histoire. Je vais le redire, mais effectivement, c'est bien que, voilà, que ça remonte. C'est pour ça que je vous ai posé la question pour voir si ça revenait. Un des lieux les plus importants dans la haute, donc là où traînent les plus grandes personnes importantes, des loges, des concernes, etc. C'est pour ça que c'est, pour l'instant, c'est une bonne indication pour vous de lieu où traîner quand vous cherchez quelqu'un, vous ne savez pas trop où vous pouvez le trouver. Quoi, il fait partie de la haute. C'est effectivement un énorme pont qui fait le tour en fait de la haute de Venise. Oui. Donc c'est un pont très large et sur lequel en fait effectivement, et c'est ça que tu t'en souviens, une énorme serre, hein, parce que comme c'est tout en haut de la ville entre guillemets, même s'il y a encore des constructions, mais c'est un des points le plus haut, c'est là qu'on fait planter les seules plantations qui a survécu à l'écrime et qui vous permet de manger autre chose que de la mousse de champignons comme mange le bas peuple à 24. C'est pour ça, ouais. Ce lieu-là, retenez-le, honnêtement, vous allez avoir pas mal de personnes là-bas, parce que dès que vous cherchez quelqu'un, vous savez que les gens de la haute passent pas mal de temps là-bas. Ouais, bah c'est noté. C'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'infos au début, mais... Tout à fait, mais c'est pour ça, je vous punis pas, je suis pas en mode, paf, il fallait s'en souvenir, du coup vous les trouverez jamais. Mais voilà, j'essaye de poser la question pour voir si ça vous fait revenir à des petits souvenirs. Des petites bribes d'informations. Et du coup, il a un nom, ce secteur? Oui, mais comme je l'ai pas sous les yeux, je te répondrai prochainement. D'ailleurs, j'ai même un doute si je l'avais pas nommé, c'est pour ça en fait. Je préfère pas faire de bêtises, je verrai selon mes notes de la dernière fois. Voilà, désolé, je n'ai pas tout. Pas de soucis. Bah écoute, on peut toujours donc, se rendre là-bas. Donc, vous... Je suppose, suite à cette petite discussion... Essayez d'aller voir vers là-bas parce que, encore une fois, c'est un des premiers lieux où, quand tu cherches quelqu'un de la haute qui est bien placé, ou quand ils sont pas là, c'est qu'ils sont finalement dans leur quartier personnel, etc. Mais vous avez plus de chances de tomber sur les personnes que vous cherchez d'abord en cherchant là et après aller voir chez eux. Du coup, vous y rendez, vous montez. Par contre, ça demande encore pas mal de temps de marche. Vous avez quelques heures vraiment à marcher pour atteindre le haut parce que votre QG n'est pas très très haut. Et vous arrivez rapidement sur la route qui mène. Le chemin qui mène à cet énorme pont qui surplombe la ville. Vous y rendez et vous tombez du coup là vraiment face aux gens de la haute. Et il y a une vraie différence d'ambiance. Hein. Pour le coup, personne ne se marche sur les pieds. Les vestimentairement parlant, il y a une différence énorme. Il y a de la luxure vraiment qui se voit avec des détails dans les vêtements dont on peut se passer clairement pour la survie, mais voilà, c'est la haute, ils ont les moyens, et je sais que aucun d'entre vous a d'affinité réellement avec ce style de vie, donc voilà, vous observez ça en mode, bon, pff, il y a quand même une exagération vis-à-vis du manque de ressources de faire ça. Vous cherchez un tout petit peu et rapidement, en posant des questions aussi là, parce que c'est vrai que vous n'avez pas eu de description physique, mes dés me disent que vous trouvez quand même assez rapidement ce que vous cherchez, parce que de toute façon, les deux personnes sont tout simplement assises à une espèce de banc métallique. Et sont en train de discuter, buvant une boisson dans une espèce de petite tasse métallique. C'est pas vraiment une tasse, mais oui, un récipient, quoi. Un petit récipient de 30 cm de haut. Après plusieurs indications, vous êtes sûr, il s'agit bien, en tout cas, de Ville Vicente. Vous ne savez pas la personne qui l'accompagne, mais il y a l'homme, du coup, Ville Vicente, face à vous, qui est un homme blond, les cheveux tirés en arrière, pas de barbe. Qui est plutôt âgé, dans 45-50 ans, je dirais, et qui se tient droit, qui a une stature qui a l'air presque militaire. Vous rendez du coup vers lui, et vous pouvez lui parler si cela vous chante. Eh bien, bonjour. Bonjour, que puis-je pour vous ? Non, en fait, j'ai réfléchi à la manière d'aborder la chose. C'est vrai que ça va. Donc, en fait, on n'a pas du tout réfléchi à qu'est-ce qu'on allait leur dire. Alors, ça roule dans le coin. Non. Quoi de neuf ? Quoi de neuf à faire ? Désolé, je bug. J'ai complètement. Tu vois, genre, tu lui as dit bonjour, il répond. Et là, il y a un petit silence qui s'installe, il te regarde. Ouais. Tu vois, il se lève, alors, vous allez bien, si vous avez besoin d'aide. C'est la première question, c'est est-ce que je tente de jouer franc jeu qu'on est... C'est vrai qu'après, on habite en métropolite, on est métropolite, machin. Oui. Bonjour, pour ça, il te propose. Une question à vous poser. Quant à vol des machines qui a eu lieu à l'usine. Benedachi. Pour être plus précise. Je vois. Non, ils sont en train de me poser des questions vis-à-vis de l'usine. Je vois que vous avez été mis sur cette enquête et que vous l'avez réellement faite. vous êtes donc bleu. En effet, nous sommes le quartier Indigo. Quoi que notre réputation. Non, je. vous êtes si mignon, désolé. Je parlais du fait que vous n'êtes actuellement pas gradé. Mais bon. je vous trouve mignonne à être si fière, et c'est bien. Il faut être fier, vous savez. C'est comme ça qu'on sait qu'on est face à quelqu'un qui a de l'avenir, et je suppose qu'il a de l'avenir. Je n'aime pas les gens qui ne sont pas fiers, ça veut dire qu'ils cachent quelque chose, et ce sont des gens sournois, je ne les aime pas. Bref, je l'avoue sans trop de problème, ce vol a été organisé par moi-même et mon compère ici présent. C'est tout simplement une mission politique et diplomatique ayant pour but de nous faire... avantagé vis-à-vis de la question de l'armement de Venise. Quelles sont vos questions ? Mais ce vol a-t-il réussi ou pas ? Malheur. Non, malheureusement, il y a eu problème, on s'est fait chaparder. L'un de nos hommes nous a devancé et a volé la machine, sûrement pour la revendre. Nous comptons juste la supprimer, nous n'avons point besoin de finances, bien évidemment. Nous n'avons point besoin de finances, mais il nous fallait Déstabiliser, supprimer... Déstabiliser. Mais... Non, nous avons été floués ce coup-ci. Mais quand vous dites l'un de vos hommes, vous savez lequel ou c'est encore... Oh, vous n'avez jamais vu. J'en suis presque sûr, enfin, à vrai dire, aucun n'a avoué, mais je suis presque sûr d'avoir le coupable. Hein. C'était notre contact dans l'usine même. Clairement... Rolando ? Oui, Rolando. Je vois que vous le connaissez. Il avait l'air plutôt taillé pour l'emploi. Vous savez, ils ne sont pas très difficiles à convaincre, ce genre de personnes, mais... J'aurais dû me douter que du coup, prendre une personne trop facilement convaincue pouvait se retourner contre nous. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de nous raconter n'importe quoi juste pour qu'on perde notre temps à retourner voir Rolando? Je vous prie, savez-vous à qui vous êtes en train de parler? Autant je n'aime pas les gens qui n'ont pas quelque chose. Qui ont des choses à cacher, mais je n'aime pas les gens qui ne savent pas faire preuve de respect lorsqu'ils doivent en faire. Eh bien, sous votre respect, je pense que vous comptez. Eh bien, je pense que vous pouvez dès à présent arrêter d'être fier et être content d'avoir été ces quelques jours membre des Métropolites. Vous savez, je suis juste maître de loge de l'armement de Venise. Je pense avoir beaucoup plus de poids que vous dans cette ville. Et je pense, honnêtement, que si vous ne présentez pas vos excuses dans les quelques secondes qui viennent, vous pourrez retourner à la base ville travailler en tant qu'ouvrier. Mon ami va... Non, s'il vous plaît, ne me coupez pas. Oui. Donc, vis-à-vis de votre bras manquant, vous avez l'air d'être une personne plutôt importante, vu que visiblement on a perdu des ressources, j'aimerais bien éviter qu'on les récupère. Vous voulez présenter des excuses, s'il vous plaît? Encore une fois, sous votre respect, monsieur... Je pense que vous avez plus à perdre que nous dans cette histoire. Vous venez d'avouer un crime... Et à qui donc allez-vous me dénoncer? Je signale que toute personne importante dans cette ville est au courant de nos actions. Je mets un coup de coude un peu à Esther en mode... arrête tes conneries, on n'est pas là pour ça, c'est pas notre mission. Veuillez m'excuser. Je n'étais pas à ma place. Je préfère ça. Dans ce cas-là, restez fiers. Vous pourrez continuer à avoir une carrière. Mais faites attention à qui vous parlez. Vous savez, même si j'ai l'air un peu hautain, je le sais, j'exagère mes traits volontairement. Je vous apprécie au fond. Vous n'avez pas eu peur de moi, bien que mes menaces étaient sincères. Elles, c'est bien d'avoir du cran. J'aime ça. Je préfère avoir quelqu'un qui a du cran que quelqu'un qui s'efface tout de suite et quelqu'un qui est capable... de savoir quand elle est allée trop loin après réflexion. Vous avez l'air d'être une personne bien. Un peu direct, mais bien. En tout cas, ça... Mais, pour être honnête, rien de tout ce que j'ai dit est un mensonge. Tout ce que j'ai fait est connu déjà par pas mal de métropolites haut gradés. Alors, pourquoi nous demander d'enquêter sur ce fait? Mais je ne sais pas, non. Personne c'est pas directement là-dessus qu'on nous a demandé d'enquêter. Ouais. Personne nous a demandé d'enquêter là-dessus, nous avons... Oui, non, c'est vrai que c'était pas directement le vol, ils s'en foutent. Ouais. Enfin, en tout cas, sachez, monsieur, que si nous arrivons à mettre la main sur ces voleurs, nous vous en ferons part, nous vous transmettrons le message. Il n'est pas très bien dur à trouver, mais bon... que faire d'un pauvre ouvrier qui n'a pas de quoi manger à sa faim? Mais comment voulez-vous qu'il arrive à organiser un tel vol, sachant qu'il n'est rien? Je suis presque sûr, allez fouiller ses poches, je suis presque sûr que vous trouverez là, ci et là, des liges, des lingots peut-être même. Mais comment aurait-il pu déplacer une telle machine alors qu'il est seul? Mais il ne l'a pas fait seul, je pense juste qu'il y a eu un autre acheteur sur le coup et qu'il a préféré un paiement direct que le nôtre. C'est pas faux. Je ne pense pas effectivement qu'il a fait ça seul. De toute façon, aucun homme ne pourrait déplacer une machine seule, surtout pas qui fait 1000 livres. Oui, c'est vrai. Pour moi, la question n'est pas là, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis étonné si vraiment vous devez enquêter sur cette information. C'est peut-être un test venant des métropolites voir votre fidélité à leurs actes. Mais non, je suis parfaitement honnête, nous avons juste voulu saboter cette usine parce que nous n'aimons pas... ne fait pas partie de notre... du monopole de mon cher ami Degal, qui gère le concern de l'armement, et moi, ayant pour but de surveiller l'avancée scientifique, le fait que cette usine travaille seule m'inquiète. Elle pourrait recevoir des missions d'armement venant de personnes extérieures de Venise, et si jamais ils se mettent à construire des armes interdites, nous l'aurons bien dans l'os. C'est pour ça que je tente de manière diplomatique de mettre fin à cette usine en esquivant les dégâts collatéraux. Tout à fait. Mais écoutez, en tout cas, je suis désolé de vous avoir importuné. Oh, je vous l'ai dit, malgré tout, j'aime bien votre amie. Elle a de l'avenir. Je l'espère. Moi aussi. Du coup, je me retourne vers les autres. Je suis bon, bah écoutez, on y va. Ouais, on a rien de particulier de plus à faire ici. Ouais. Il vous salue. Reposez-vous. Moi, je vois que là, je suis un petit peu limite. Faut pas que je. Non, honnêtement, y a rien d'autre. Moi, je limite presque, je prends un peu Esther par le bras, tu sais, en mode Il vous salue en se penchant en avant, il se rassoit à côté de son ami, il reprend sa conversation. Avant de... Je tire Esther avec un grand sourire, genre. Vous tournez talon. Voilà. Toi. Moi-même, si je suis un peu content, je grommelle quand même un peu. Je dis, mais Esther, t'as perdu la tête ou quoi là? Qu'est-ce qui t'a pris de dire ça? Avouez. Non mais tu vois bien que c'est des gens qui sont pas de notre niveau. Il a avoué. Mais il a avoué quoi? Il a avoué simplement que il est intouchable, c'est tout. Tu crois que nous? Il a avoué qu'il était à l'origine du vol des machines. Non mais c'est pas normal. Tu crois que je le dis pas trop fort non plus. Hein. Non mais tu crois que nous? Tu te remets à crier à côté de lui. Des petits bleus qui sommes à peine confirmés. Dans notre truc, on va aller faire tomber ce genre de personnes. Crois-moi qu'un jour nous aussi on sera important. Crois-moi qu'un jour on parlera du QG Indigo et que ça deviendra un nom aussi commun que les crimes. Et crois-moi que ce jour-là on viendra chez lui et qu'il répondra de ses actes. Oui. De sabotage. Pas pour l'instant, en tout cas. Mais de toute façon, on est archi. Alors pourquoi on s'en inquiète? Au fond, je veux dire, elle a l'air satisfaite, alors on voit. Enfin, je veux dire, c'est bien. On a tout ce qu'il nous faut. Et il faut continuer de jouer avec les règles, pour le moment. Bien sûr. Enfin, en tout cas, voilà, ton petit Rolando, je veux dire, Korninov, on sait pas trop sur quel pied il danse. Non, À mon avis, les suspicions que ce monsieur est là vis-à-vis de mon nouvel ami sont complètement fausses. Bon, je m'inquiète peut-être que s'il se fait fouiller, il trouve des liges dans sa poche et qu'il dise que c'est vraiment lui, mais... Bon, écoute, la vie est difficile, là, en bas, il trouvera bien un moyen de se débrouiller. Enfin, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que maintenant, il y a quelqu'un quand même qui a les moyens, on va dire, pour déployer... Des hommes et déplacer une machine de cette trempe. De toute manière, on a demandé à Kaino d'arriver jusqu'ici. Oui. Je pense que c'est la toute dernière personne qu'on a interrogée parce qu'il n'y a plus personne qu'on a croisé d'autre. Ouais. S'il y a quelqu'un qui a le fin mot de cette histoire et qu'il faut qu'on le connaisse, ça viendra de lui. Et pour rappel, à la base, nous devions seulement enquêter sur... le culte des machines qu'il y avait lieu, même si nous sommes en train de déterrer une affaire de plus grande ampleur encore. Mais tout est connecté. Bah, la machine est là. Évidemment.